Que le gars en fait travaillait pour Charlie. Alors que En fait, le gars, il demandait des contacts à Charlie. C'est con. Donc Charlie disait, en fait, le gars, il avait la drogue là avant. Maintenant, Charlie, il a dit, moi, je sais plus. Mais attends, je vais appeler un gars. Donc il a appelé un gars. Ensuite, il a rappelé le gars pour dire, c'est bon, je l'ai eu. La scène, je l'ai eu au courant, il fait pas C'est dans ça, comme il a dit, c'est bon. Le frère Yannick, bonjour. Ça fait des bruits sur le frère Yannick. C'est grave. Fermez les micros, ceux chez qui il y a des bruits. C'est désagréable dans les oreilles. La soeur Loris, viens fermer ton micro. Le frère Yannick, ferme ton micro. Non. Voilà. Je sais pas ce qu'il fait. C'est terrible. Non, lui, à la base, il avait acheté une voiture au gars. Charmant. Veuillez écrire à la sœur Julienne Okou que l'histoire des drogues, des films d'action là, qui ferme le micro avant de raconter. La sœur Alida, ton micro gribouille là. Bonjour la sœur Alida, bonjour, bienvenue dans la France, dans la sainteté. Bonjour à tous. Oui, que le Seigneur te bénisse. Daigne fermer ton micro donc, je crois que de votre côté, il y a beaucoup de bruit. Et la sœur Loris également. Bonjour la sœur Loris, comment tu vas ce matin? Bonjour, très bien par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de neige aujourd'hui de chez toi, n'est-ce pas? Non, ça va, merci. Dieu te bénisse. Le frère Mamadou Kamagate, bonjour. Bonjour frère Junior. Comment tu vas ce matin mon frère bien-aimé? Oui, ça peut aller, j'étais aux urgences avant-hier, mais ça va. Qui avait ça quoi? Va. Il y avait quoi pour que tu puisses être aux urgences mon frère? J'arrivais pas à dormir, quand je me couche, je m'étouffe en fait, j'ai le cœur qui s'emballe, je m'étouffe, donc du coup, j'ai été aux urgences, mais bon, oui. Tout va bien, apparemment tout va bien. Ok, que le Seigneur te bénisse. Mais il y a des attaques, donc jusqu'à ce que ta délivrance soit complète, tu auras toujours ces attaques-ci. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut une délivrance. Oui, exactement. Il faut absolument une délivrance. Exactement. Donc tu as des choses dans ton ventre là qui doivent sortir, que tu as engagé, ainsi de suite. Mais le Seigneur a son temps, d'accord mon frère? D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Le frère Achille et son épouse, bonjour. Bonjour frère Julien. Bonjour frère Julien. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Comment va votre maison ce matin? Ah, la maison va bien, nous avons déménagé hier, donc nous sommes dans la nouvelle maison. Voilà. Comment va la nouvelle maison alors? Donc ça veut dire que votre maison est née de nouveau. Exactement. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Diane Esther, bonjour. C'est nouveau ça, Diane Esther. Voilà, vous la voyez là, je crois qu'elle va vous saluer. Elle va ouvrir son micro pour vous saluer. Bonjour. La sœur Flora de Bordeaux, bonjour. Bonjour frère Junior, bonjour à tout le monde. Que Dieu te bénisse. Merci de fermer ton micro parce que là-bas chez toi également c'est la maternelle. La sœur Paul Gertrude, bonjour. Bonjour frère Junior, bonjour tout le monde. Bonjour. Sois béni ma sœur, sois béni. La sœur Kessia Makomika, bonjour. Bonjour. Sois béni la sœur, mais peut-être pour une première fois, c'est moi qui suis venu en retard. Moi, ça m'a fait quelque chose. Ça, quand je vois, ça me fait. Veuillez informer Julien qu'elle est sur le. Oh, c'est désagréable ça, c'est désagréable. Veuillez informer la sœur Julien de fermer son. Comment? Bano, un jour, j'ai vu ça, ça fait quelque chose. J'avais la chair de poule. Voilà! Oui! Non, ça c'est le diable qui est dedans! Ah! Tu vois? C'est le diable qui est dans le micro! Je crois que c'est la voix de la sœur Anne que j'entends là. Elle est où je la cherche là, je la vois pas. La sœur Anne, fermez le micro avant de commenter les histoires des diables et des films d'action là. C'est pas moi, c'est pas. Ah, c'est pas chez toi. Ok, je profite pour te dire donc bonjour à toi et ton époux. Comment vous allez? Bonjour. Non, nous allons bien. Nous allons bien. Mon frère, il est là. Il sera tout à l'heure là. Ok, à tout à l'heure, ma soeur. Tu sais déjà fermer le micro et ouvrir, n'est-ce pas? Oui, je sais. Merci, que Dieu te bénisse. La soeur Kelly, comment tu vas ce matin? Bonjour. Bonjour, frère Junior, je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen. La voix est vraiment tonifiante comme le tonique. Bonjour, vraiment. Que Dieu te bénisse. Qui encore? La sœur Julien, Julie Gabo. Comme sa marraine n'est pas là depuis, elle ne parle pas. La sœur Julie, bonjour à Véry Châtillon. Bonjour, il arrive, il est en prière, il est dans la chambre, il arrive. Que le Seigneur te bénisse. La sœur Nafissa, bonjour. La sœur Nafissa, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, mon frère Junior. Oui, que le Seigneur te bénisse. Bon, de toute façon, la majorité ici, on ne voit pas les vidéos. Donc, les frères, vous ne vous connaissez pas. Si, ceux qui nous écoutent, veuillez ouvrir les vidéos au moins pour une seconde pour que les autres frères vous voient. Et que le Seigneur vous bénisse. La sœur Laetitia, bonjour. Voilà, vous voyez la sœur Nafissa là. Encore. Veuillez informer la sœur Julienne. Je regarde seulement, je n'interviens pas. Oh mon Dieu. Parce que tout cela, même, ça me fatigue. Allô, la sœur Julienne. Allô, la sœur Julienne, bonjour. Allô, la sœur Julienne. Bon, je crois que ça s'est calmé de l'autre côté là-bas. Le film est... Je crois que c'est la fin du film. La sœur Laetitia, j'ai déjà dit bonjour, n'est-ce pas? Le frère William Corrad, bonjour. Ah, écoute, oui. Encore. Il faut que ça aille de travailler. Comment tu vas maintenant, mon frère? Tu es encore en déplacement? Oui, oui, toujours en déplacement. L'enlèvement, c'est pour bientôt, hein? Ouais, je prie pour y faire partie, frère. Eh bien, de toute façon, même que tu sois au travail, n'importe où en déplacement, c'est l'enlèvement. C'est ça. Oh mon Dieu. Non, non, c'est déjà long. Allô, la sœur Julienne. Pas toute seule. Allô, la sœur Julienne de Paris, bonjour. Julien Oku, bonjour. Allô? Allô? Allô, toi? Tu n'as pas dit Julien? Non, non, la dit Julien. Le dos de Julien, c'est pas moi. Parce que moi, je n'ai pas cliqué. Et si c'est toi? Parce que c'est que je fais là. On m'a ajouté la dernière fois. Ouais, les complications de la modernité et de ces choses de technologie. On aura toujours des désagréments aujourd'hui là, mais soyons patients envers elle, d'accord, mes soeurs et frères. Soyons patients. Allô, la sœur Julie. Allô, la sœur Julien, tu nous entends? Oui, je vous entends. Eh bien, voilà, bonjour. Bonjour, frère Julien. Oui, mais depuis là, on entend les films là avec le diable. Là, raconte ton histoire. De quoi il est question? Donc, on ne te voit pas. Moi, j'observe. La première fois, j'observe. C'est tout. Ah. Pour le moment. Mais on ne te voit pas là. On ne te voit pas. Tu es où? Tu n'as pas mis ta vidéo. Ah, je suis dans la voiture avec mon fils. Ok, ok, ok. Le fils, lui, il est Android. Ok, lorsque vous avez des bruits, vous voulez causer en privé, il faut couper le micro. Demande-lui de couper le micro, d'accord? Il faut couper le micro. Chez la sœur Laurice également, il y a le bruit des pattes qu'elle a en train de faire, là, font des bruits ici. La sœur Marie-France Sophie, de Boulevard Davout, bonjour et bienvenue. Ah. La sœur Marie-France, bonjour. C'est pas évident. Je crois que la sœur Marie-France, si tu nous écoutes, tu ouvres juste ta vidéo pour nous montrer que tu nous écoutes parce que on n'a pas de retour ici. Le frère Yannick Bob, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Shalom, bonjour à tous. On ne te voit pas, on voit un homme en blanc là-bas, quoi, une icône en blanc. C'est toi, c'est ta physionomie, ça? Une icône en blanc? Oui. On ne te voit pas. Ah, je suis dans la maison à côté de l'école. Moi aussi, je n'arrive pas à vous voir. La sœur Marie-France, vous voyez la sœur Marie-France positionnée là-bas, donc ça veut dire que c'est certainement elle a un problème de retour avec son micro. La sœur Marie-France, bonjour et bienvenue. Juste comme ça, et les gens vont te voir. Vous voyez la sœur Marie-France là-bas, bien positionnée au 97 rue d'Avo. La sœur Julienne demande à ton fils d'essayer de fermer le micro. La sœur Marie-France, ton micro est ouvert. Bonjour et bienvenue. Alors, la sœur Marie-France, bonjour. Si tu nous entends, bienvenue à toi. Voilà, elle a fermé le micro par respect pour ne pas avoir de bruit. Eh bien, là, tu nous entends? Mais tout à l'heure, là, ton micro était ouvert. Voilà, vous la voyez donc, n'est-ce pas? Elle vous dit bonjour. Voilà, je crois qu'on a fait le tour en saluant tout le monde. En saluant tout le monde, tout va bien. J'espère qu'il n'y a personne que j'ai oublié par rapport à l'introduction ce matin. Chez le frère Yannick, il y a problème avec son micro. Donc, je crois que... Vous m'écoutez? Moi, je vous suis très bien. Ok. Oui, on te suit, mais on ne te voit pas, la sœur. C'est qui déjà? Je ne vois pas la personne qui parle. C'est Yannick. Eh bien, Yannick, on ne te voit pas. Yannick est du côté de la France. On va travailler avec les gens virtuels aujourd'hui. C'est Yannick du côté de l'Italie. Ah, Yannick en Italie. Bonjour et bienvenue. Bon, il y a beaucoup d'Italiens ici. Je crois qu'on va les isoler dans un groupe de l'Italie concernant les propres sites là. Alors maintenant, je suis avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Comment était votre semaine? J'espère que le Seigneur a béni votre semaine comme la mienne également. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Tout s'est bien passé, merci. Quelqu'un a-t-il une révélation, un songe, une question ou quoi que ce soit? La sœur Marie, prends ton micro est ouvert là maintenant. Ton micro est ouvert, tu parles, on va t'écouter. Je peux parler? Ah oui, la sœur, oui, je crois que Marie-France voulait parler. Oui, vas-y, la fin, Nafisa, vas-y. C'est mon fils qui a 7 ans. Chaque soir, avant de dormir, on lit la Bible, on prie et puis on dort. Donc, mercredi, il a fini sa prière, il allait dormir. Le matin, il s'est réveillé, il dit, maman, je fais un rêve. J'ai dit, tu as fait quoi comme rêve? Il dit, maman, j'ai fait un rêve, là. Tout le monde avait une maladie, là. Tout le monde était malade. Il y avait des boutons sur tout le monde et tout le monde. Mais moi aussi, j'ai attrapé, mais c'était que ma main seulement et tout. Donc, je sais pas c'est quoi, ça m'a fait peur et tout. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui, maman. Donc, du coup... le lendemain, je priais, je dormais, et puis je suis partie passer. Les enfants, là, ils sont beaucoup au téléphone. Je priais, je dis, Seigneur, j'espère que c'est pas l'histoire des téléphones qu'ils sont tout le temps dessus, parce que si lui, c'est ce que sa main qu'il a attrapé, peut-être que ça peut être l'histoire de, à chaque fois, en temps de, quand tu les interdis de ne pas jouer, ils continuent de jouer. Donc, moi, il me dit, c'est ça son péché qui a fait qu'il a pu attraper la maladie que tout le monde avait. Donc, c'était la maladie des jeux qui était sur tout le monde, quoi. Et puis, ça passe, le jeu... C'est pas la maladie des jeux, c'était une maladie. Il dit tout le monde était malade. Ça avait des coupes de champignons sur tout le monde. Il dit tout le monde. Il faut suivre ça donc, de très près, ma soeur, d'accord? Et parlant donc des jeux aux enfants, comment tu dis que quand les interdit des jeux, qui leur donne le téléphone? Parce que moi, mes enfants, quand ils étaient avec les papas à Abidjan, ils jouaient beaucoup les téléphones. Depuis qu'ils sont arrivés ici, j'ai commencé à arrêter les téléphones. Donc, j'ai récupéré les téléphones. Donc, je me suis dit, peut-être c'est ça encore qui continue, en fait. Oui. Donc, quand tu donnes le téléphone aux enfants pour qu'ils jouent, pour qu'ils ne te dérangent pas, comme ça, tu te concentres sur tes choses, n'est-ce pas? et avec la Bible. Un peu, oui, c'est ça, un peu ça. Oui, un peu seulement. Et comment vous faites donc pour le travail? Comment est-ce que vous avez le temps de vous asseoir, parler de la Bible, faites que les enfants lisent la Bible dans ce temps-là? Oui, oui, il lit la Bible. En fait, comme je disais, il dit, c'est à Abidjan, il jouait beaucoup au téléphone, au jeu. Mais depuis son arrivée, ils sont avec moi. Bon, quand ils ont le téléphone, ils causent avec les papas dessus ou ils causent avec bon, des amis. Ils ne jouent plus comme quand ils étaient à Abidjan. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Donc, prenez soin des enfants parce que le Seigneur va nous... Enfin, nous tous, les parents qui avons les enfants, prenez-en soin. Parce qu'on a l'art de se débarrasser avec les tintins. On met les dessins animés pour s'en débarrasser. Et là, prenons vraiment soin parce que Dieu va leur demander, va nous demander leur éducation. Du côté de Véry Châtien, bonjour et bienvenue au frère Christian. Oui, le frère Christian sort comme ça de la montagne. Vous le voyez, effectivement, il a la barbe de Moïse. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Quelqu'un a-t-il encore quelque chose à ajouter? Mais ma soeur Nafissa, pourquoi après le son? Oui, frère. Oui, j'arrive là, la soeur Kétia. On ne voit même pas Kétia. Kétia, on ne te voit pas. La soeur Nafissa, pourquoi après avoir entendu ce que ton fils t'a dit, tu as plutôt eu peur? Pourquoi la peur? Non, en fait, j'ai pas eu peur vraiment, mais je me suis dit, c'est parce que les enfants ont tendance à jouer, que voilà, que lui, c'est arrivé, peut-être Dieu est passé par lui pour lui parler, pour lui faire comprendre, parce que comme il s'agit de la main, et les enfants, ils sont tout le temps, pour moi, je suis partie dessus, donc je portais ça en prière, j'ai prié, et puis bon, j'ai pas eu, c'est la sensation que j'ai eue, pour moi, je suis partie dessus, je me suis dit, c'est le téléphone, en fait. Et là, est-ce que tu as pris des mesures directes, des mesures drastiques par rapport à cela? Oui. Dans ce monde, c'est difficile d'éduquer les enfants dans la voie du Seigneur avec toutes ces technologies qui se trouvent autour de nous, toutes ces distractions. Oui, là, je les interdis, là, ils ne jouent pas, ils ont le droit de parler avec les papas sur le téléphone parce que, bon, lui, il a encore du voix. Il ne va pas comprendre, donc je les laisse parler et après, je récupère le téléphone et je le range. Mais il faut expliquer aux enfants le bien fondé de cela, le pourquoi ils doivent se concentrer à la parole de Dieu. Fais bien le respecter pour que ça soit inculqué. D'accord, ma soeur? D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Où est la soeur Kétia qui voulait parler tout à l'heure? Je suis là. Oui. Bon, personne ne te voit de toute façon. Vas-y, parle, ma soeur. Pardon. Oui, c'était par rapport à trois rêves que j'avais fait. C'était il y a deux semaines. Le premier rêve que j'avais fait, j'avais vu aux infos où il parlait de l'Iran, qu'il y avait beaucoup de troubles en Iran, la situation était vraiment catastrophique là-bas. Le deuxième rêve que j'avais fait, c'était encore en Iran. Moi, j'étais en Iran. C'était encore pendant la période où il y avait les troubles. Mais cette fois-ci, c'était différent parce que il y avait un nouveau dirigeant qui avait commencé à faire des règles très très sévères par rapport à l'habillement des femmes. Il disait justement qu'il fallait pas que n'importe quelle femme qui était pas habillée correctement, c'est-à-dire qui n'avait pas le voile intégral, devait être arrêtée ou tuée. Donc moi je me suis fait arrêter justement parce que j'étais pas habillée correctement, j'étais habillée de façon très légère. Oui. Bonjour. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, c'est dans le songe que tu as ça, n'est-ce pas? Oui, oui, c'était dans le rêve, oui. Mais quoi, oui. Tu es iranienne? Non, pas du tout. Mais comment toi tu te trouves en Iran, alors? Je sais pas. Je peux même pas expliquer ça. J'étais en Iran. Je sais pas pourquoi. Et c'est dans le songe que tu entends l'information qu'il y a des troubles en Iran? Oui. Et maintenant, est-ce que tu sais effectivement qu'il y a des troubles maintenant en Iran sur le plan physique, normalement? Oui, oui, je l'ai su après. C'était bien après. Ça m'a même étonné parce que je pensais pas que ça allait être véridique. Moi, je pensais juste que c'était un rêve comme ça. Et quand j'ai su ça après, ça m'a rappelé les rêves que j'avais fait par rapport à ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un régime dictatorial qui se positionne là-bas et qui traite particulièrement les femmes voluptueuses qui ne se voilent pas. et qui s'habille de façon légère. Oui. Et toi, à ce tyran-là, on t'avait arrêté pourquoi, ma soeur? Est-ce que je t'ai habillé de façon légère? Conclusion. il faut que je change mon habillement. Oui. Quelqu'un a dit quoi d'autre encore, la soeur Kétia? Bon, le troisième rêve que j'avais fait, c'était encore par rapport à l'Iran, mais c'était un peu la même chose. Encore? Donc, il n'y a pas de... Oui, encore. Parce que dans le deuxième rêve que j'avais fait, on m'avait arrêté par rapport à ça, mais j'ai réussi à m'enfuir. Et dans le troisième rêve encore, je suis restée bloquée en Iran. Je ne pouvais pas repartir en France. Et quand je suis restée bloquée en Iran, je ne sais pas comment, mais un des militaires qui était là-bas m'a aidée. C'est-à-dire qu'il a fait des procédures par rapport à l'ambassade, etc. Mais malgré tout cela, il s'est passé quelque chose, je ne sais plus exactement. Et je suis quand même restée bloquée en Iran, définitivement là-bas, voilà. Donc en clair, tu dois être bloquée en Iran, si tu ne t'habilles pas bien, quoi. Je ne sais pas. Mais étant juif, j'ai pas bien compris l'interprétation de ce rêve-là. Oui, on va y arriver avec ce qui doit se passer là-bas dans les prophéties bibliques. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, chapitre 38 particulièrement, où on parle de ces nations-là qui vont se réunir et venir confronter Israël. Cela a à voir avec le régime qui sera là, parce que tout le melting pot qui se trouve dans le Moyen-Orient, il y aura le schisme avec les sunnites qui vont s'affronter là-bas entre la Syrie, les différentes branches des musulmans, et ils vont se lever pour attaquer Israël. Israël, c'est encore qui là maintenant? Qui est là maintenant? Qui est entré là? Bonjour Yannick encore. Bonjour. Ah. J'étais en train d'arranger la parce que c'est la première fois que je me connecte avec le téléphone là. Ouais. Et maintenant, tu es sur le réseau, tu es en direct maintenant. Oui, parle-nous. Il fallait que j'aille sur l'impostation là pour déplacer, pour, je ne sais pas, on m'a donné les instructions à suivre. Ok, clique sur ta vidéo alors, clique sur ta vidéo comme ça on te voit. Qu'est-ce que je dois faire? Cliquez sur la vidéo, sur l'icône de la vidéo, il y a l'icône du micro, il y a l'icône de la vidéo. Ok. Beaucoup de courage. Alors le frère Mamadou, il dit quoi de neuf? Ton micro est coupé, je crois. Oui, ton micro est coupé. Mais... Oui. Mais vous le voyez? Allô? On ne te voit pas, le Yannick, donc garde ton mal en passant, on y revient. Oui, mon frère Mamadou. Oui, en fait, j'ai fait un songe. C'était un peu court quand même. En fait, je crois que je te demande une réunion. J'avais un téléphone à main. Et... Subitement, j'ai entendu Jésus-Christ dans le téléphone. Mm. Et dès que j'ai entendu le mot Jésus-Christ, j'ai réfléchi, j'ai mis moi-même. Mm. Et puis, je suis resté bloqué, en fait. Mm. Et ça, dans le téléphone, j'ai entendu Jésus-Christ la troisième fois, et je me suis levé. Mm. Et j'ai marché, j'ai monté des marches. Mm. J'ai monté des marches. Et dès que je suis arrivé au bout des marches, j'ai reçu deux cadeaux. J'avais deux cadeaux en main. C'est des espèces de nounous. L'espèce de nounours. Oui. Et puis j'ai dit amen. Mmh. Mais et puis je me suis réveillé de mon sommeil. Tu recevais ça de qui à ces escaliers-là? Je ne sais pas. J'ai monté les escaliers et j'ai retrouvé deux nounours dans ma main. Deux espèces de nounours. Attends, normalement, si tu montes tes escaliers pour monter chez toi, si une main est dans l'invisible, tu étends les nounours, tu vas les prendre, frère? Là, je pense que c'est Jésus-Christ parce que je pense parce que quand j'ai monté les marches, avant de monter les marches, c'est le nom de Jésus-Christ que j'entendais. Mmh. Donc continue. Quand j'ai monté les marches. Mmh, continue à suivant ces noms glorieux, d'accord? D'accord. Donc, nonobstant les africanistes qui disent c'est Yassi ou c'est Issa ou c'est quoi que ce soit, ou c'est quoi que le nom a fait quoi, c'est le nom puissant, le nom glorieux. C'est pour ça que c'est attaqué. La parole est attaquée, son nom également est attaqué. Donc, toi particulièrement, on va prier, on va se rencontrer, certainement, on va affronter ceux qui sont dedans là. D'accord, mon frère? D'accord. La sœur Anne, quoi de neuf? Comment tu vas depuis les enseignements, les derniers enseignements? Ton cœur est calme maintenant? Ça me fortifie. Lorsque j'ai écouté les enseignements jusqu'à matin, à 4h du matin, le lendemain, je suis retardé au travail, j'ai pas dormi. Ça me fortifie beaucoup. Je vais te parler un peu de toi. C'est très, très important. Ok, donc après l'enseignement ici, je vais prendre la première personne. Je vais prendre, on causera à deux, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Donc la séquitia, il faut lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 38. Ça se trouve là-bas. C'est vrai que ce sont les prophéties et c'est codé. Où est-ce qu'on va maintenant? Du côté des frères Yannick. Non. La sœur Alida, comment tu vas avec ton cœur depuis aujourd'hui, depuis la semaine là? Ça va. Ok. Que le Seigneur. Je me sens bien. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Le travail du cœur, ne baissez pas les bras avec le travail du cœur jusqu'à ce que la connexion soit établie, d'accord? Ne baissez pas les bras. Ne lâchez pas jusqu'à ce que la connexion soit établie. Si quelqu'un n'a pas de questions, on entre dans on prend la Bible et on voit ce que le Seigneur nous a en réserve. Oui. Oui. Oui, c'est moi. Ok. Oui, c'est parce que j'ai fait aussi un songe, mais j'ai pas trop compris l'explication. J'étais dans une armée, donc j'étais habillé complètement en camouflé et on défilait en fait. Donc il y avait des rentrées, on défilait et j'avais un porte-médaille en fait. Et sur ce porte-médaille, il n'y avait pas de médaillon. Donc quand on a fini de défiler, et puis on nous a classés par groupe en fait. Et il y a le chef d'état-major de l'armée même qui a commencé à appeler les gens pour les remettre la médaille. Et moi, ils m'ont appelé, ils m'ont remis une médaille, c'était la tête d'un lion en or. Donc il m'a mis ça sur mon porte-médaillon, parce que lors du défilé, il n'y avait rien, il y avait juste le porte-médaillon sans le médaillon. Oui. Et après alors, quand il m'a appelé, il m'a remis ça. Enfin, il m'a mis cette tête de lion en or sur le porte-médaillon. J'ai rien compris. Donc bienvenue au club alors. Donc tu appartiens au Lions Club, c'est ça? C'est juste, c'est ça qui m'a fait peur justement. Parce qu'il y a le lion, je comprends. Parce qu'il y a le lion, n'est-ce pas? Comme je sais que. Donc dans l'armée du Seigneur, il faut que ça soit dans ton cœur la méditation sur celui qui s'appelle le lion de la tribu de Judas. D'accord, ma soeur? Amen. Donc, c'est lui qui est la récompense. C'est le lion de la tribu de Judas qui est ta récompense. Ce n'est pas la secte là, n'est-ce pas? D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Des questions, si quelqu'un a-t-il des questions, une préoccupation avant qu'on ne commence, parce que je ne voudrais pas qu'on commence dans les scènes d'écriture là. Oui, la sœur Paul Gertrude. Il y a la sœur Paul Gertrude qui a levé la main. La sœur Laetitia, chez toi, il y a du bruit. Oui, en fait, j'essaye de parler depuis tout à l'heure, mais je me rends compte que mon micro a certainement un problème. J'ai dû. Ok, bon, parle donc. Oui, puisque tu es sur les ondes déjà, parle directement. Voilà, j'avais en fait une question et un songe. Oui. Je ne sais pas, je vais commencer par le songe. Oui. C'était dans la semaine, en fait, j'ai fait un songe où c'était très court également, où c'était comme une compétition et c'était de la natation. C'était de la natation et quand on a tous sauté, vraiment, c'était vraiment... Comment dire, c'était vraiment le combat, quoi, le parcours du combattant, c'est-à-dire chacun faisait tout pour arriver en premier. Mais par contre, je me suis rendu compte que quand moi j'arrivais déjà, quand moi j'étais en train d'arriver au but, il y a quelqu'un qui faisait tout pour m'enfoncer dans l'eau. Comme s'il y avait quelqu'un qui voulait mettre sa main, vous savez, quand on veut noyer quelqu'un en fait là, donc pour m'enfoncer dans l'eau. Mais quand je me suis réveillée et quand je me suis mise à méditer, il y a un passage qui m'est revenu. Sur les athlètes, là, quand l'apôtre Paul écrit à Timothée. Voilà. Voilà, sur les athlètes, ça m'est revenu. Et après toute cette semaine dans mon cœur, j'avais ça. Chaque fois que il y avait. Voilà, j'étais d'abord dans la méditation du cœur. Et ensuite, chaque fois que j'avais. Quelque chose venait dans mon cœur qui n'était pas bon. Il y avait une parole qui me revenait, le royaume des cieux appartient aux violents, c'est-à-dire il faut se faire violence des fois, il faut se sacrifier, c'est des sacrifices, la marche avec Dieu. Il ne faut pas se dire que tout est rose, tout est calme. Dans tes Jeux olympiques là, tu as compris que qu'est-ce qui t'empêchait de remporter le trophée, qui veut t'empêcher de remporter la course à l'arrivée. Tu as compris. Ah, moi, comme c'était une personne, je me suis dit, c'est certainement le monde, l'entourage, en fait, le monde, ceux qui ne sont pas chrétiens. Oui. Qu'est-ce qu'il faut c'est ce que moi, j'ai compris. Il faudra faire qu'on crée un état chrétien où tous les chrétiens seront à l'aise, n'est-ce pas, ma soeur Laetitia? Pardon? Il faut qu'on crée un état où il y aura seulement les chrétiens, comme ça, tu ne seras plus dérangé, c'est ça? Dans la méditation de ce livre de Timothée, l'apôtre Paul dit que l'athée n'est pas couronné s'il n'est pas combattu selon les règles. Tu comprends quoi avec, voilà. avec ton songe là, en méditant? En fait, selon les règles, donc on doit, en méditant justement, et avec tous les versets qui me revenaient dans mon cœur, oui. il faut vraiment qu'on soit immergé dans la parole. Mmh. Pour enfin comme le roi David a dit, je sers ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est la parole qui va nous permettre de d'être vraiment dans les règles du Seigneur, de nous conformer vraiment à la volonté de Dieu. Mmh. Ok, que le Seigneur vraiment. C'est ce que moi j'ai compris. Amen. Ça c'est le premier volet qui est le songe, et le deuxième volet, tu avais dit que tu avais deux volets. Le deuxième volet, c'était une question justement. J'avais déjà posé cette question à des frères et sœurs, mais je n'arrive pas à comprendre. En fait, en suivant même l'enseignement enlèvement et grande tribulation, oui. je n'arrive pas vraiment à comprendre la différence entre l'Église et l'épouse. Okay. Vraiment, j'ai un peu des difficultés à comprendre. Parce que moi, je pensais que c'était la même chose. Je pensais que l'Église allait être enlevée. Mais dans cet enseignement, tu dis que c'est l'épouse qui a enlevé, ce qui est différent de l'Église. Okay, et là, okay. ça m'a créé... C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Bon, alors, réglons ça rapidement, d'accord? Réglons ça rapidement. Tous les chrétiens sur la terre seront enlevés, d'après ta compréhension de la Bible. Tous les chrétiens? Oui, vivant sur la terre, lors de l'avènement du Seigneur Jésus, est-ce qu'ils seront... Non, seuls ceux qui auront reçu le Saint-Esprit, qui ont été scellés. Voilà. Donc, ça veut dire, tu vois effectivement que quand un homme, malgré qu'il y a beaucoup de femmes, un homme va prendre une femme qui porte son nom, n'est-ce pas? Oui. C'est seulement avec celui-là qui se marie, n'est-ce pas, ma soeur? Oui, voilà. Oui, mon frère. Donc, effectivement, il y a la reine avec le roi qui doivent s'asseoir quelque part et il y a donc des gens qui doivent travailler toujours devant le roi et devant la reine. Donc, remarque effectivement que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 8, la Bible déclare que réjouissez vos cieux et vous qui habitez les cieux. Puis, on dit effectivement, quand les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur. Car ces fins lin éclatant pur sont les œuvres justes des saints. D'accord? Amen, oui. Voilà. Donc, en résumé, pour pouvoir résumer la chose, si on prend le corps de la médecine, par exemple, on regarde tous les hommes qui s'habillent en blanc, tous ne sont pas des docteurs. Tu comprends un peu cela? Mais à la base, ils sont dans le corps de la médecine, ou mieux comme dans l'armée. Si on prend tous ceux qui s'habillent avec le corps, les habits de l'armée, tous ne sont pas des spécialistes, par exemple, comme des commandos. Mais pourtant, ils sont dans la tenue. Donc, parmi le groupe dit chrétien, donc, se trouve l'épouse du Christ. Et ce sont cette épouse-là qui est enlevée du milieu du monde. D'accord? D'accord. Mmh. Et ceux qui restent, qui sont censés former l'église, ça veut dire c'était quoi, les faux chrétiens? Non, c'est pas les faux chrétiens. Ou bien ouvrez Luc chapitre 12. Luc, je crois que rapidement, il faut qu'on regarde ça. Luc, le chapitre 12. Vous y êtes? Oui. Lisons verset 32 déjà jusqu'au verset 38. Luc chapitre 12 verset 32 à 38. À 38. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Quoi qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu as remarqué, ma chère sœur, et vous autres qui avez lu, si vous avez ça devant vous, qu'est-ce que vous avez remarqué? Là, on parle de l'épouse, puisqu'on dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Oui. Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces. Ok. Qui d'autre a quelque chose à dire à propos? Frère Julien, moi. Oui, vas-y mon frère. Oui. En fait, je pense que en gros, c'est ça veut dire que de rester éveillé en fait. Mais nous sommes en train de vouloir voir des personnes à qui on s'adresse ici. Jésus s'adresse à qui dans ces passages-là? Il s'adresse à son épouse. À son épouse, ok. Maintenant, oui. Lisez encore le verset 35. Qu'est-ce que ça dit? Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Maintenant, verset 36. Les lampes allumées, c'est le Saint-Esprit. Non, attendez, doucement. Après cela, le verset suivant continue par quoi? Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent. Ah, d'accord. Ok, donc vous voyez effectivement que le verset 35 s'adresse à une catégorie de personnes, le verset 36 s'adresse à une autre catégorie de personnes. Parce que là, il dit que il dit et vous. Donc, ça veut dire qu'il a changé de personnalité, de destinataire de son message. Donc, le verset 35, il dit quoi? Il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Il s'adresse à une personne. Puis, il se tourne vers une autre personne, il dit et vous. Vous avez remarqué cela, n'est-ce pas? Entourez ça dans votre Bible, vous ne ratez pas les paroles de notre Seigneur. Donc, là, le Seigneur se tourne là dans une autre catégorie de personnes. Il dit et vous. Donc, ça veut dire que ceux à qui s'adressait d'abord initialement, ce n'est pas la même personne qui parle ici, dans le verset 36. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Ça, c'est terminé. Puis il dit et vous. Parce que vous ne pouvez pas vous adresser à une personne dans une suite de phrases et puis vous dites encore et vous. D'accord? D'accord. Et non seulement ça. Oui, ma chère. Donc, ça veut dire que l'église. Eux, ils vont rester, ils ne seront pas enlevés. Non, il y a l'église épouse, il y a l'église épouse. Un peu comme il y a les tirés d'élite chrétien quoi, dans le corps de l'armée, et tous sont de l'armée. Maintenant, écoutez encore très attentivement ce passage-là. Il dit, et vous, soyez semblables quoi, à des serviteurs qui attendent que leur maître retourne de quoi? Des noces. La noce de qui? Du Seigneur Jésus et de l'épouse. Alors maintenant, ça veut dire qu'il s'adresse à une autre personne qui n'est pas de l'épouse. Parce que ceux-là attendent qu'il revienne des noces, n'est-ce pas, mes chers soeurs? Exactement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a de parler aux gens. Enfin, j'ai cité aujourd'hui Apocalypse chapitre 19. Il dit maintenant, réjouissez-vous. Après, il dit, car les noces de son épouse est arrivée, de l'agneau est venue, et son épouse s'est préparée. Comme il a dit là-bas, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Donc, ils étaient préparés. Quand ils étaient préparés, ils sont entrés dans la noce. Les gens qui sont restés derrière, il a dit, vous aussi, vous avez votre rôle à jouer. Attendez quand ils retournent de la noce. Parce qu'après l'enlèvement, donc justement, une catégorie de personnes va passer à ce qu'on a appelé, qu'il est convenu d'appeler la grande tribulation. Mais ils ne vont pas pour autant se perdre, d'accord? Amen. Dans Matthieu chapitre 25 encore, allons-y là-bas. Dans Matthieu chapitre 25, lisons. Là, vous allez voir effectivement qu'il y a deux groupes là-bas, appelés la vieille sage et les vieilles folles. Matthieu 25 à partir du verset 1. Qui peut lire alors? Matthieu chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc nous voyons effectivement que ces gens étaient 10. Et elles avaient un seul époux, donc les vierges n'avaient pas chacun son époux, mais ils avaient tous un seul époux, n'est-ce pas? Ils s'attendaient à un seul époux, n'est-ce pas, mes soeurs? Les gens de la France de la sainteté, vous êtes là vraiment aujourd'hui? Il y a la sœur Loris là qui ne fait que préparer la pizza. Qu'est-ce que tu fais, la sœur Loris? Tu es en mouvement, tu nous entends? Ok. Allons-y, ma soeur. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mm-hmm. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Mm-hmm. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Mm-hmm. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Gardez bien l'esprit quand plus tard, la porte fut fermée. Oui. Mm-hmm. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Voilà. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc nous voyons effectivement qu'il y a deux catégories, une fois de plus là, n'est-ce pas? Un groupe qui entre, oui. Un groupe qui entre, et un groupe qui... Lise jusqu'au verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Ça, c'est le verset 13. Amen. Amen. Donc, vous voyez effectivement que ce qu'on a lu dans Luc chapitre 12, le verset 34 et suivant, on a cité là-bas la parole, la lampe, la noce, l'agneau, ainsi de suite. Mais dans les autres, dans l'ordre différent. Ici, on attend à ce qu'il entre en scène. Là-bas, on attend à ce qu'il revienne. Dans Matthieu, on attend à ce qu'il vienne pour prendre. Parce qu'on on attendait l'époux. Et ici, dans Matthieu, il allait revenir de la noce. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Oui. Donc, la noce s'est réalisée, si vous lisez Luc chapitre 12, donc le verset 34, 35 et 36, entre les 35 et 36, l'enlèvement a eu lieu. On a célébré jusqu'à ce qu'il allait rentrer. Vous parlez de la Bible, hein? Vous parlez de la Bible. Donc, entre les versets 35 et 36 de Luc chapitre 12, l'enlèvement a eu lieu. Et après l'enlèvement, donc, il en est revenu maintenant pour prendre en compte maintenant ceux qui n'avaient pas été enlevés, pour qu'ils entrent dans une autre phase de son plan à lui. D'accord? Amen. D'accord. Maintenant, ouvrons un peu pour fermer ce chapitre-là. Ouvrons le livre des Apocalypse au chapitre 7. Apocalypse, le chapitre 7. Apocalypse chapitre, j'ai dit quoi, chapitre 7, oui. Vous y êtes. Qui d'autre peut lire? Qui peut lire alors? Eh bien, voilà, le frère Mamadou, merci. Quel verset? Chapitre combien? Verset combien? À partir du verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Je continue? Continue, mon frère, jusqu'à ce qu'il dise stop. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole, me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Stoppons d'abord là-bas. Stoppons d'abord là-bas. Vous voyez que dans cette... Je ne sais pas si vous avez lu, pour ceux qui ont lu le livre d'Apocalypse, vous allez voir effectivement qu'il y a un étonnement là-bas justement. Et l'ange, le prophète qui montrait ces choses-là au prophète Jean, il savait effectivement que ça posait des problèmes. Parce que ces personnes se trouvent devant le trône. Et ils sont revêtus de la robe blanche qui est le symbole justement de la sainteté. Là maintenant, il pose la question à Jean en fait pour savoir s'il a la compréhension de cette vision. Et la réponse de Jean va lui signifier effectivement qu'il y a confusion dans sa tête. Parce que ce n'est pas normal que ces personnes se trouvent ici. Regardez bien la position dont le Saint-Esprit leur a donnée. Le Saint-Esprit dit, ces personnes-ci, ils sont ici de toute langue, de toute tribu, de tout peuple sur la terre. Ils sont nombreux devant le trône. Vêtus de robes blanches et ils chantaient ces cantiques là. Puis la Bible déclare que ces personnes sont devant le trône. Là, maintenant, le prophète lui demande aux gens, à Jean, qu'est-ce que tu en dis de ces personnes? Ils viennent d'où? Oui, effectivement, ça, il y a un problème. Ceux-ci, donc, ils sortent d'où? Continue la suite, mon frère. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Stoppons là-bas. Ils ont lavé leur robe. Stoppons là-bas. Donc, il dit ceux-là, dans le groupe-là, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation. Parce que l'Église, quand n'en plaise aux pré-tribulationnistes, l'Église ne passe pas par la grande tribulation. C'est pas possible. L'Église du Seigneur ne passera pas par la grande tribulation parce qu'elle a été jugée. Aucune des œuvres ne la condamnera. Le frère Yves, bonjour et bienvenue. Ciao. Le frère Yves, bonjour et bienvenue. Bon, on continue ici, de toute façon. Ferme ton micro si tu nous entends. Donc, nous voyons effectivement que là, ici, Jean reçoit l'explication du prophète que ces gens se sont venus de la grande tribulation. C'est pour ça que son témoin était là. Et là, il lui explique comment la procédure, comment ils ont fait pour entrer. Il dit qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, n'est-ce pas? Et puis, il explique maintenant que c'est pourquoi ils sont là devant le trône. Ils le servent jour et nuit. La question c'est, pendant qu'ils sont devant le trône, où se trouve donc l'épouse? N'est-ce pas, mes frères? Vous êtes avec moi? Ou bien c'est compliqué, qu'est-ce que ça nous dit? Ok, donc, vous voyez effectivement... Il y a une petite confusion. Tu viens de dire que l'Église du Seigneur ne passe pas par la grande tribulation, mais ceux qui sont revêtus de blanche viennent de la grande tribulation. Je un peu... L'épouse du Seigneur. L'épouse ne passe pas par la grande tribulation parce qu'elle a été jugée. Ce qui devait tomber sur elle est tombé sur son Seigneur. D'accord? D'accord. Mm-hmm. D'accord. Parce que ceux-ci sont restés à cause des choses qui sont reprochées. Mais tôt ou tard, ils vont entrer de toute façon. Donc là, ils sont devant le trône, alors que l'épouse est située avec l'épouse, comme l'épouse est la reine, doit être avec le roi sur le trône, n'est-ce pas, ma chère sœur et mes chers frères? Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. La sœur Kelly, ferme ton micro. Voilà, merci. Oui, mon frère Mamadou. Oui, moi je pense que selon ma compréhension, je pense que l'épouse est là et l'époux est là sur le trône. Et la grande tribulation, ils sont là. Oui. Donc l'épouse était déjà là quand la grande tribulation arrivait. Exactement. Et là nous trouvons maintenant où, dans un endroit, dans un environnement où des gens sont déposés, sont positionnés. Et ce groupe de personnes dont on a envie de voir là sont plutôt devant le trône. L'épouse ne peut pas être devant le trône parce que c'est la reine là-bas. Il y a le roi, il y a la reine. Et le roi, la reine n'est pas devant le roi, mais à côté du roi. Parce qu'il leur avait dit que ceux-là qui sont les vainqueurs seront assis avec lui. Ils ne sont pas devant lui. Je ne sais pas si vous saisissez. À ceux qui vaincront, ils s'asseyeront avec moi sur mon trône comme j'ai vaincu. Ah, c'est pas vrai, c'est aujourd'hui là, c'est terrible. Je crois qu'après ceci, s'il vous plaît, veuillez expliquer à ceux qui viennent d'arriver la procédure pour qu'on ait passé des agréments c'est chaque fois. Et en plus de cela, comme nous avions fait la dernière fois, merci au frère Christian, veuillez rappeler à ceux qui viennent d'arriver d'écouter les séries d'enseignement qu'on a de faire pour qu'on ne croit pas toujours que c'est une façon de passer notre dimanche pour ne pas aller dans les églises là pour être détruit. C'est un processus de travail pour le Seigneur pour être en contact avec lui de la bonne façon. Donc je crois qu'il va falloir que les gens puissent assimiler cela. Il ne s'agit pas tout simplement de se joindre à ces groupes en disant que nous sommes dans le groupe de telle ou telle chose. Ce n'est pas cela notre question. Il est question de travailler notre vie spirituelle pour nous arrimer au standard du Seigneur. Vous me suivez, n'est-ce pas, mes frères? Donc, ce n'est pas un groupe de hobby pour qu'on passe, on tue nos matinées pour pouvoir faire d'autres choses par la suite. C'est pour travailler dans la sainteté et grandir, pour pouvoir être connecté au Seigneur de la bonne façon. Donc, en résumé, par rapport à cette affaire d'enlèvement, si vous regardez, je crois que dans l'enseignement sur cet enlèvement-là, j'avais expliqué avec les types de l'Ancien Testament. Si vous regardez les types de l'Ancien Testament, vous allez remarquer, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Luc au chapitre 17 que ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer. Au chapitre 17 de Luc, il cite le temps de Lot, puis le temps de Noé. Il dit que ce qui s'est passé en ce temps-là, c'est passé avant l'avènement du Fils de l'homme. Et il parle de la tribulation que les gens ont eue, que les gens grandissaient, mangeaient, buvaient, plantaient, se mariaient, ainsi de suite. Et il dit que la tribulation est venue sur ce monde-là différemment. Pour le cas de l'autre, c'était le feu qui était venu. Pour le cas de Noé, c'était le déluge qui était venu. Et regardez, si vous lisez attentivement, vous allez remarquer très attentivement que dans ces deux événements distincts, quelque chose s'est passé avant que cette tribulation ne vienne. Vous remarquez que si on isole le cas de l'autre, parce qu'il a dit que ce qui s'est passé au temps de l'autre, avant que ça ne vienne, vous allez remarquer que l'autre, c'est le type de croyant qui vit au milieu des tribulations, justement, parce qu'il sort à l'issue des tribulations. Mais avant cela, avant que l'autre ne soit sorti des tribulations, une personne est mise à part et en communion avec le Seigneur, Abraham. Vous avez remarqué, n'est-ce pas, mes chers frères? Abraham est en communion avec le Seigneur pendant que l'autre croyant, qui est une extension de l'autre, quoi, d'Abraham, est en train d'être délivré de la grande tribulation, de la tribulation de son époque. Je ne sais pas si vous me percevez. Si vous me percevez bien, vous levez seulement la main. Donc, pendant la période de l'autre, on voit qu'il y a quelqu'un qui est typifié l'épouse, qui est mis de côté. Abraham n'est pas délivré au travers de la tribulation. Il est en communion tout juste. Dieu est venu le rencontrer sous le térébène là-bas à Mamré. Et donc, ils sont dans la communion. Pendant que le message pour la grande tribulation est annoncé à son neveu l'autre, qui se trouve en plein désert de la tribulation. Maintenant, si vous regardez le cas de Noé également, mon frère Yves, daigne fermer ton micro parce que lorsque tu bouges, ça crée des problèmes. Merci beaucoup. Voilà. Si vous regardez le cas d'Abraham, le cas de Noé, je suis en train d'expliquer dans Luc chapitre 17, conformément à ce que le Seigneur a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé se passera également au temps quand le Fils de l'homme va se manifester. Et là, ici de l'autre, ici de Noé. Si vous regardez également au temps de Noé, si vous lisez Genèse chapitre 5, vous allez regarder que le septième depuis Adam, c'est Enoch. La Bible déclare que les jours de Enoch furent de 365 ans et il fut enlevé parce qu'il ne fut plus, il avait été reconnu comme étant agréable à Dieu. Donc vous voyez effectivement que Enoch a prophétisé la venue du consolateur, la venue de celui qui va donner la consolation sur la terre qu'on appelle Noé, parce que Noé veut dire consolation. Et donc, lorsque Noé va passer, le Noé n'est pas le type de croyant de l'enlèvement, que non. Le bateau là où on entre n'est pas dans le type de l'enlèvement, que non. Le type de l'enlèvement est donné par Enoch, parce que Enoch est le type de croyant qui fait la perfection, qui atteint la perfection selon le standard de Dieu, et puis pour être enlevé. Donc avant, une fois de plus, avant que avant que Noé ne soit sauvé au travers de, comme au moyen des eaux, il y a quelqu'un qui est mis à part une fois de plus, Enoch. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Enoch est enlevé, le reste des croyants sur la terre est sauvé, mais protégé, mais comme dans les difficultés. C'est ça la tribulation. Maintenant, si vous regardez dans le livre de Daniel, si vous lisez le chapitre 1, chapitre 2 jusqu'au chapitre 6, vous serez surpris et frappé par ce qui arrive. Vous regardez au chapitre 3 de Daniel, chapitre 2, Daniel parle de cette histoire des bêtes et autres là-bas, et les statues qu'il a vues, et que Don Nebuchadnezzar également a vues, et l'interprétation qu'il en a faite. Mais au chapitre 3, on fait état d'Abednego, Shadrach et Meshach, trois hommes qui sont dans le royaume de Dieu, de Nebuchadnezzar, et qui ne fait de Nebuchadnezzar aucun cas par rapport à sa divinité. On va faire une statuette, un style d'adoration qu'on doit adorer. Et remarquez très attentivement que l'ordre est universel. Tout le royaume de tous ceux qui étaient sous Nebuchadnezzar devrait adorer cette statuette. La Bible déclare de façon inéluctable que tous ont adoré la bête, l'image, sauf ces trois-là, au point où ils ont été jetés dans le feu. Et c'est au travers du feu qu'on les a sauvés. La question, on devrait poser la question, donc ça veut dire, comme il n'y avait que ces trois-là qui ont adoré, qui ont refusé d'adorer la statuette qui avait été érigée en lieu et place du Seigneur. Est-ce que Daniel a adoré? Je vous pose la question. Est-ce que Daniel a adoré, mes chers soeurs, mes chers frères? Non, frère, non. Où était-il donc? Où était Daniel pendant que l'adoration s'est passée? Parce qu'il était l'un des représentations du royaume. La Bible déclare qu'il avait la troisième place même dans le royaume. La question c'est, où était-il? Je crois qu'il est intercédé. Hein. Et donc, il était caché dans le palais en train d'intercéder pour Abednego. Abednego, ne fléchis pas. C'est déjà des cérémonies, toute personne de la représentation non, et de la statue devrait être là. Il était là, mais il n'a pas adoré. Il n'a pas adoré. Mais pourquoi on n'a pas jeté dans le feu? Combien de personnes étaient dans le feu? Il y avait trois personnes. Pourquoi? Il y avait quatre. Non, ça c'est le résultat. Combien de personnes avaient été jetées dans le feu? Trois personnes. Pourquoi ils avaient été jetées dans le feu? Parce qu'ils avaient refusé d'adorer la statue. Entre temps, donc, où se trouvait Daniel? Daniel a-t-il adoré, oui ou non? Parce qu'on a dit que toute personne qui n'adorerait pas serait jetée dans les temps de feu. Alors la question que je pose, c'est où était Daniel? Daniel était toujours dans le royaume, mais sauf que il était mis à l'écart. Comment il est mis à l'écart? C'est ça le problème qu'on explique là-bas, qu'on ressort là-bas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de vouloir nous montrer? Le Saint-Esprit nous montre que le gouvernement mondial va s'ériger une statuette, va s'ériger un système de culte religieux sur la terre où toutes les religions vont se réunir pour adorer cette divinité qui sera dans ce gouvernement mondial-là. Et donc, remarquez très attentivement maintenant que au milieu de cela, il y aura les chrétiens. Il y a quelqu'un qui a encore ouvert le micro. Et au milieu de ce gouvernement, il y a des gens qui auront la connaissance des Écritures, ils vont tenir fin, mais ils seront délivrés, même s'ils sont dans le problème. Donc, effectivement, que Abednego, Shadrach et Meshach sont le type de chrétiens qui passent par la grande tribulation. Mais avant que la tribulation n'arrive, on ne fait pas état de Daniel. Donc, Daniel a disparu de la scène. Subitement, au chapitre 4, donc, il réapparaît. Donc, le type là-bas, c'est le type de l'église qui est mis. Daniel, dans ce cas-là, c'est le type de l'église qui est mise à part, qui n'est pas là pour être confronté à l'adoration de la bête, aux marques de la bête sur la terre. Il n'est pas signifié. Vous savez, n'est-ce pas? Maintenant, si vous rentrez depuis dans la Genèse encore, vous voyez que Joseph est même le type même du Seigneur Jésus. Vous allez regarder la Bible, vous n'allez pas voir le péché qui lui est reproché. Il est aimé par son père, Jacob, mais haï par ses frères. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le nom qu'il a donné son fils. Et son fils est venu au milieu des siens, le Seigneur le nom pour le reçu. Qu'est-ce qu'on va faire? Le Père va envoyer Joseph vers ses frères pour aller les contempler, pour les protéger. Pour regarder s'ils vont bien, ce sont ces frères-là qui vont le vendre. À 20 pièces d'argent, tout comme Joseph est venu chez les siens, ils ont vendu aux païens. Remarquez très rapidement que Joseph a été vendu chez les païens, tout comme Joseph a été vendu chez les païens. Vous comprenez, n'est-ce pas? Étant chez les païens, on l'a accusé injustement, au point où il est allé en prison. Et quand il est arrivé en prison, ouais, effectivement, jusqu'à étant accusé, il est allé dans la prison au point où on l'a condamné à mort. Enchaîné, maltraité, condamné à mort. Quand on a condamné le Seigneur Jésus-Christ, vous remarquez très attentivement que lorsqu'on l'a élevé pour être crucifié, pour sa sentence, il y avait deux personnes autour, aux côtés de lui. De la même façon, comme Joseph était en prison, qu'est-ce qu'il avait? Il y a eu deux personnes qui étaient à côté de lui. L'un était acquitté et l'autre relâché. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? L'autre était crucifié et l'autre relâché. Jésus a deux personnes là-bas, un acquitté et l'autre condamné. Vous voyez la chose, n'est-ce pas? Lorsque Jésus est descendu de la croix, à cet instant-là, tout genou fléchit en son nom. À la mention de son nom, le frère Achille coupe le micro. Beaucoup de courage de ce côté-là également. C'est quand ces choses sont en train d'être développées comme ça, je crois qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des interruptions. Sinon, alors, donc, vous remarquez donc, et là, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est sorti de la croix, à cet instant-là, tout l'univers lui est soumis. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis, absolument. Et quand Joseph était sorti de cette prison-là, il est parti pour régner. Il a pris donc la place du royaume, donc tout lui était soumis. Un héros marchait devant de lui, dit la Bible, et sonnait la trompette. Et quel que soit ce qu'un être humain faisait et travaillait, il devait fléchir les genoux à la mention de cette trompette-là. Donc, vous voyez la similitude entre Joseph et Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, la similitude ne s'arrête pas là. Le problème maintenant, c'est que quand Joseph va en Égypte, je ne sais pas si il veut me calmer. Vous m'entendez bien? Ok, c'est bon. Lorsque Joseph va en Égypte maintenant, lorsqu'on l'a vendu en Égypte, c'est en Égypte qu'il a pris son épouse. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? C'est en Égypte qu'il a pris son épouse. Il dit Joseph de la Bible dans Genèse là. Lorsqu'on l'a vendu en Égypte, il a pris son épouse dans le monde là où on l'a vendu. C'est chez les païens où on a vendu Jésus qui prend justement son épouse. Amen. Son épouse sort de là. Maintenant, comment il se fait avec ses frères? Remarquez donc Joseph et remarquez ce que Jésus fait. Joseph ne se présente pas à ses frères avec son épouse à côté de lui. Ce n'est pas possible. Et avant que son épouse ne vienne, il parle en d'autres langues. Il parle à un interprète et l'interprète dit à son peuple. Mais pour qu'il puisse maintenant se présenter à son épouse, à ses frères, remarquez bien la Genèse, lisez Genèse chapitre 47 en montant, mes chers frères, avant qu'il ne se présente à ses frères pour dire, mais voici vous, c'est moi que vous avez vendu. Il va les faire asseoir tranquillement, mais avant cela, il fait sortir son épouse. Il a dit tout le monde dehors. Son épouse était dans le palais avant qu'il se présente chez ses frères. Je ne sais pas si vous saisissez ceci. Donc, l'église épouse est mise hors d'état de nuit avant que le Seigneur Jésus vienne se présenter aux juifs qui seront sur la terre en ce moment pour qu'ils se le reconnaissent. Dans Zacharie chapitre 11, la Bible déclare qu'il va se présenter chez les siens avec la marque de clous qu'ils ont percée. Et ils vont lui poser la question, mais si tu es dans notre Messie, d'où viennent donc ces marques de clous entre tes mains? Il dit, ce sont mes amis, ceux qui m'aiment, que j'ai eu cela. Et la Bible déclare qu'ils vont se lever la main, ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un enfant. Exactement, si vous lisez votre Genèse chapitre 50, le verset 20, la Bible déclare que lorsque les gens se sont rendus compte que Joseph était celui dont ils avaient vendu, ils ont commencé à attirer maintenant l'attention sur lui en disant que nous sommes morts, maintenant que notre père n'est pas là, il va seulement nous tuer. Il a dit, Non, non, ne vous faites point de mal. Car c'est pour cette époque-ci, comme ça, pour les époques comme ça que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel a changé en bien pour sauver le monde qui était dans le péché, pour sauver le monde qui était dans la famine. Vous avez vu le type d'homme de Joseph, n'est-ce pas? Mais maintenant, remarquez très attentivement que l'épouse de Joseph a eu deux enfants, Ephraïm et Manassé. Vous êtes avec moi? Ouvrez le micro, je veux que vous me parlez si vous avez des réflexes. Ouvrez le micro. Voilà. Et Joseph, amen, amen, amen. L'épouse de... Ah non, non, non, la soeur qui tient, ferme ton micro, là où ceux qui ont les enfants, là, ferme le micro. L'épouse de Joseph lui a donné deux enfants. Les deux enfants sont Ephraïm et Manassé. Si vous lisez dans le livre de Genèse particulièrement, allons-y là-bas, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Genèse chapitre 49. La soeur qui lit, ferme ton micro, t'as pas, c'est désagréable. Genèse chapitre 48. Vous y êtes? Genèse chapitre 48. Lisons à partir du verset 1 du chapitre 48 jusqu'au verset 5. Allons-y, mon frère. Après ces choses, l'on vit dire à Joseph : voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit : voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassemble ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph : le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays des Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit : je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Ouais. Vous avez entendu ça? Amen. Vous avez entendu ce qu'il a dit? À cet instant-là, dans ce verset 5, il change les données. C'est pour ça que vous allez voir effectivement que Ephraïm et Manassé vont être introduits. Je n'ai pas le temps de parler de ces choses-ci. Je sais que ça va être compliqué pour certaines personnes. J'aurais souhaité parler doucement. Mais je crois qu'il va glisser là-dessus rapidement là, et passer. Maintenant, je continue le verset. Regardez encore le verset 5. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Donc, ouais, effectivement, que Ruben et Siméon sont les deux premiers fils de Jacob. Et là, si vous regardez dans la similitude, ça suppose donc, effectivement, ils sont greffés à Jacob, alors que Jacob n'est pas directement leur père. Si vous prenez le temps de lire le livre de Romains, chapitre 11, où on parle de ces greffages des païens, alors que l'arbre n'était pas nationalement franc, parce qu'ils ont été coupés pour que l'autre soit hanté, je crois qu'il va revenir sur le cadre d'Israël dans le plan de Dieu, dans la deuxième partie. Maintenant, suivez, il va avancer doucement pour vous voyez là où la croix intervient et comment ça devait quitter les Juifs pour aller chez les gentils. Et donc, les deux enfants qui sont issus de lui, des Ruben, de Joseph, étaient des types. Regardez verset 6. Mais les enfants que tu as engendrés après sur eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Verset 8. Écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement maintenant. Ah mon Dieu, je me sens bien là maintenant. Israël regarda les fils de Jacob et dit : qui sont ceux-ci ? Vous y êtes ? Israël regarda les fils de Joseph. De Joseph, ouais. 50 euros là. La sœur Julien Okou, bonjour, rebonjour. Allô, la sœur Julien. Allô, la sœur Julien, tu nous entends? Je crois que là, elle est en train de faire des marchandages de 50 euros. Donc, je crois qu'elle va revenir. Regardez encore verset 8 ici. Israël regarda les fils de Joseph et dit : qui sont ceux-ci ? Il y a de ces choses, je le souhaitais vraiment, c'est, enfin, c'est même pas pour vous, c'est avec l'interaction virtuelle comme ça, ça ne me plaît pas parce que j'aurais à voir les gens sur moi pour regarder les yeux dans les yeux pour leur parler de ces choses des prophètes ici-là. Oh, tout à l'heure, là, il vient de dire les enfants qui te sont nés en Égypte, là, verset 5 là-bas, il parle d'Ephraïm en les citant bien nommément. Ephraïm et Manassé, subitement, on dit qu'il les regardait, il pose encore la question, qui sont ceux-ci? Vous voyez que la personne du prophète Israël, ou mieux le prophète Jacob, c'est différent du monsieur Jacob. C'est pas ce que vous saisissez. Tout à fait. Ok, bon, là, je continue alors maintenant. La Bible déclare, Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donné ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. Maintenant, écoutez bien. Merci. Il y aura du mal à venir. C'est pas la même réponse que ça te donne. Les annexes de choses, l'Assemblée nationale. Oui. Et sur les invalides, c'est le plus jeune de toute la police. On parle ici avec le sourd d'Alton. On a des formations au cas où tout le monde. Des formations. Même le palais va aller là. Même le palais va aller là. Je vais bien un peu excité sur l'autoroute. Je vais bien un peu. Je crois que on aura le temps. Il faut prendre le temps pour expliquer à la, cette soeur là comment ça se passe, d'accord, mes frères. Ok. Donc là, là maintenant, comment ça a freiné comme ça, je vais seulement vous expliquer. Vous avez votre Bible devant de vous. Vous m'entendez? Amen. Okay. Amen. Ok. Amen. Amen. C'est pas évident avec ces choses-ci. Alors, donc, si vous lisez dans la suite de ces versets-là, donc, vous avez la Bible devant vous, je vais seulement expliquer maintenant parce que cette femme-là, la sœur-là, elle m'a bloqué. Si vous lisez la suite, la Bible déclare donc, que Jacob avait demandé à son fils Joseph d'apporter les deux fils au devant de lui. Là maintenant, les deux s'assoient face à face. Vérifiez dans votre, dans votre Bible là maintenant, la suite de la chose. Jacob s'assoit sur une chaise, en face de lui, son fils s'assoit, Jacob, et il porte les deux enfants l'un sur l'autre, le genou droit, l'autre sur l'autre, le genou gauche. La Bible déclare de façon spécifique que son papa, ses yeux étaient déjà appesantis par la vieillesse. Donc ça veut dire qu'il ne voyait pas bien. Il ne pouvait pas discerner qui est Ephraïm, qui est Manassé. Vous voyez, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'il a tendu la main. Et remarquez très attentivement que s'il tend sa main droite, la personne qui est assise à sa droite, normalement c'est le grand. Ça veut dire que le grand frère se trouve à sa droite, c'est-à-dire à gauche de Joseph. C'est ce qui est expliqué là-bas. Normalement, il devait bénir tout simplement comme ça. Il devait tendre la main directement devant lui en mettant sur la tête du plus grand. Puis la main gauche en mettant sur la tête du plus petit. Vous voyez, Ephraïm est menacé. Dieu, il n'a pas fait comme ça. Voici comment il a fait. Il a tendu la main droite, sur la, aller à la droite de Joseph. Mettre sur le petit. Et puis tendu la main gauche, aller sur la gauche, sur sa droite, donc la gauche de Joseph. Vous avez vu ma main, frère? Vous avez vu ça? Oui. Ça forme quoi? Oui, non, ça forme quoi? Ça forme une croix. Et une croix. Ah, la croix. Et une croix. Et donc, vous voyez que cette bénédiction-là montre clairement. Et là, Joseph a vu, si vous regardez votre le Bible, Joseph va voir cela, il va savoir que quelque chose ne va pas. Or, Joseph, c'est un prophète. Joseph voit effectivement que son père est en train de mettre la bain. Normalement, la bénédiction, d'abord, c'est, il y a le droit de naître doit être respecté dans le royaume de Dieu. Et il voit là effectivement que Dieu, quoi, Dieu en train de bénir en premier lieu le plus petit, en préférant avant le plus grand. Il dit, non, mon père, pas ainsi. Regardez un peu cela, la lecture. Ouvrez bien cela. Je veux que vous voyez. Si vous saisissez ce que je suis en train de dire, vous allez voir de quoi il est question avec le Christ et l'Église. Regardez encore. Vous y avez dans votre Genèse chapitre 48 là. Vous y êtes? Le verset 10. Amen. Regardez le verset 10. Le verset 10 dit, les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm, de sa main droite, vous voyez, de sa main droite à la gauche d'Israël. Regardez comment le Saint-Esprit prend le temps pour décrire. Et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention, soulignez cela, qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Donc il a décidé de mettre, il a pris la main droite, mettre plutôt sur Éphraïm. Manassé c'est le premier-né. Et Manassé est tout droit devant lui, donc à la gauche de Joseph, c'est-à-dire à sa droite. Il devait envoyer tout simplement la main droite et poser sur lui. Il a croisé la main en mettant la main droite sur Éphraïm et mettant la main gauche sur Manassé. La Bible déclare, ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés du nom de mon nom, et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit, écoutez bien verset 17, Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Vous voyez cela? Parce qu'Éphraïm n'est pas le premier-né. Sa main droite devait être positionnée sur la tête du plus grand. C'est Manassé qui est le premier-né. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus. Vous parlez du Saint-Esprit. Pour la détourner de dessus d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Vous voyez, c'est le prophète ici. C'est au niveau des prophéties là maintenant. Et Joseph, verset 17, verset 18. Et Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier. Pose ta main droite sur sa tête. Si les gens pouvaient comprendre ces choses d'imposition des mains et l'implication que ça fait sur le plan spirituel. Verset 19, écoutez bien la réponse de son père. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils. Souvenez-vous qu'il est aveugle et il ne discerne pas physiquement qui est le grand, qui est le petit. Vous voyez là, n'est-ce pas? Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude des nations. Vous voyez effectivement que lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit que de toi, il va sortir la postérité, la plus grande de cette nation-là, et toutes les nations seront bénies en toi. Et vous suivez la lignée, vous voyez comment la lignée est dépassée au travers de la Bible. Et vous voyez effectivement que ici, prophétiquement, la Bible parle que c'est la postérité qui va venir à la croix. Donc, Israël va être rejeté, qui est lui qui a la prééminence, qui est le premier-né, il va être rejeté, et celui qui va venir envers lui, derrière lui, aura une grande postérité. Et c'est cette postérité-là donc qui va prendre, malgré qu'Israël sera une grande nation. Vous voyez, n'est-ce pas, frère? Donc, toutes ces choses-là sont prophétisées dans la Bible. C'est pour ça que sans le Nouveau Testament, je peux prêcher l'évangile de Christ du début jusqu'à la fin, même l'enlèvement. La grande tribulation, la noce de l'agneau se trouve en plein là-dedans. Si je vous fais lire maintenant à l'intérieur où on parle exactement ce qui s'est décrit dans Apocalypse chapitre 19, que j'ai cité ici, la noce de l'agneau, le pouce est préparé, vous serez... Allons-y dans le psaume. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous y êtes. Ouvrons le psaume. Vous allez être amusé maintenant. Et c'est la Bible. Et ça se trouve dans la Bible. Le psaume 45. Si vous y êtes. J'espère maintenant que vos oreilles sont aiguisées maintenant pour entendre cette voix-là. Et pour discerner de quoi on parle là maintenant. Regardez très attentivement. On y va. La soeur que tu es là. Oui, je suis là. Et tu es bien concentré, non? Tu n'es pas en train de whatsapper, non? Parce que les Iraniens sont prêts à te... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ok, regardez bien, verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour toi. Je suis dans psaume 45. Vous êtes dans psaume 45 aussi, non? Oui. Voilà. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Vous avez vu cela? Mon œuvre est pour le roi. que ma langue soit la plume d'un habile écrivain. Écoutez bien, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. On arrive là, gardez-le à l'esprit. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples, écoutez très attentivement, ça commence maintenant. Des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile. Vous connaissez cela dans le livre des Hébreux, où on reprend ceci. D'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. La mire, l'aloe et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Maintenant, écoutez maintenant. Vous avez vu le verset 9, non? Le verset 9, regardez bien. La mire, l'aloe et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or. Ah mon Dieu, vous parlez de l'enlèvement. La reine est à ta droite, parée d'or de fille. Puis on dit, écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs. Où est la sœur Laetitia là? Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, recherchez ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi. Dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés. Vous voyez l'enlèvement, mes frères, et la recette, cette noce là, n'est-ce pas? Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie, écoutez maintenant bien, écoutez vous aussi, et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elle entre dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi, les peuples te loueront éternellement et à jamais. Vous avez vu? Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc, on décrit ici même le mariage, la noce de l'agneau. Or, ce mariage-là est donné justement dans la description ici. Après qu'il ait mis la justice, établi la droiture sur la terre et régné et prend possession de son royaume. Fini avec ses ennemis. Et on voit effectivement comment elle entre maintenant. Et on dit que la reine est assise à la droite du roi. Remarquez très attentivement que c'est ça qui sera explicité dans le livre d'Apocalypse. Maintenant, supposons maintenant que vous n'avez pas Apocalypse. Comment vous allez savoir toutes ces choses qui sont dites dans la Bible? Ça se trouve là enfoui. Tout est là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ésaïe chapitre 26 maintenant. Amen. Pour en finir avec cela. Ésaïe chapitre 26. J'aurais souhaité vraiment, s'il n'y a pas ces interférences, si j'aurais souhaité développer bien avec le livre de Genèse, là, avec ces choses de Joseph. Là. Vous devez voir la similitude partout avec Joseph. Donc, pour le cas de Joseph, vous voyez effectivement qu'il ne se présente pas avec son épouse ne passe pas par la grande tribulation, non. Son épouse est mise de côté, bien protégée, avant qu'il se révèle vers ses frères. Donc, quand son épouse est en train de se révéler à ses frères, quand le roi Joseph est en train de se révéler à ses frères, c'est son épouse est mise hors d'état de nuit dans le palais. Et voilà ça qui est encore présenté ici. Vous remarquez que son épouse est avec les habits brodés. Il ne peut pas passer avec les palmes là en chantant au travers de sang. Non. J'ai dit quel livre déjà? Ésaïe au chapitre 26. Voilà. Ésaïe chapitre 26. Voilà, Ésaïe chapitre 26. Regardez. Vous y êtes? Oui. Mais là, on va lire le verset 17 à 20. Qui va lire alors? Je veux bien lire. Oui, lis la sœur Christia. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas venus à la vie. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi, Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Donc, ouais, effectivement, comment la description, comment le prophète voit ici. Il dit là-bas que la terre redonnera le jour aux hommes. Vous voyez, on parle de la résurrection là-bas, dans le Saint-Esprit vient. Regardez encore le verset 19. Que tes morts revivent. On parle de la résurrection, n'est-ce pas? Que tes morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez des joies, habitants de la poussée. Donc, ceux qui sont morts. Puis il dit. Car ta rosée est une rosée vivifiante. On parle du Saint-Esprit. Vous voyez effectivement cette nuée-là qui va venir enlever les chrétiens sur les nuées. Je ne sais pas si vous saisissez. Puis il dit que cette nuée-là, c'est pour réveiller, c'est pour préparer pour que les gens soient éveillés pour aller. Et on remarquait très attentivement quand on a lu Matthieu chapitre 25 aujourd'hui, on dit que lorsque tout était assoupi, on cria que voici l'époux allait en sa rencontre. C'est celle qui avait lu qui est partie. Vous voyez effectivement que la rosée a envoyé pour revivifier, pour que les gens soient enlevés. Puis il dit, car ta rosée est une rosée vivifiant, et la terre redonnera le jour aux hommes. À cause de ces rosées vivifiantes qui tombent là-dessus, ils se réveillent. Vous y êtes? Quand ils se réveillent, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous annonce maintenant que entrez, allez dans la maison et cachez-vous pour que la colère puisse être frappée. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si ça peut bien se faire comprendre dans les Saintes Écritures. Parce que le peuple, son peuple, ce peuple-là donc, ne peut pas passer à la tribulation, là où il va frapper par la tribulation. Vous voyez, il dit que son peuple doit être mis de côté d'abord, qu'il se cache d'abord, il s'attend jusqu'à ce que la colère soit passée. Et dans le livre des 1 Thessaloniciens, si vous lisez 1 Thessaloniciens, prenez également cela, 1 Thessaloniciens chapitre 1, les versets 9 et 10 particulièrement. 1 Thessaloniciens. Frère Junior. Oui. Alors, je viens juste de comprendre quelque chose. En fait, parce que ce moment, ça m'a fait penser à Apocalypse 12. Oui. La femme que les catholiques pensent souvent que c'est Marie. Oui. Donc, en fait, la femme, c'est l'Église qui va rester. Oui. Si je comprends bien. Il y a la postérité. Finissons d'abord avec cet article. Il y a un écho chez la sœur. Je ne sais pas comment ça se passe là. Donc, on va y revenir, d'accord? Après, on va parler de cette histoire des femmes-là. L'histoire des catholiques. Je ne sais pas comment ils sortent. Ah, mon Dieu, les catholiques. Versets 9 et 10 de 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que quelqu'un va aller lire aujourd'hui? Je vais lire. Car on rencontre à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour entendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous a délivré de la colère à venir. Non, qui nous délivre de la colère à venir. Qui nous délivre de la colère à venir. Vous voyez effectivement que quand vous entendez chaque fois cette expression, c'est la colère de Dieu, c'est ce jour-là où il va commencer à faire, où Dieu va entrer en contestation avec la terre. La Bible déclare que Dieu délivre ses enfants de cette colère-là. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, ils ne passent pas par là. Parce que la colère de Dieu n'est pas sur eux. La colère, la Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur le Seigneur Jésus. Et c'est pas ces médecins qui sont guéris. Il ne peut pas frapper le Seigneur Jésus, nous frapper encore. Que non, ça ne peut pas marcher comme ça. D'accord? Maintenant, le chapitre dans 2 Thessaloniciens cette fois-ci. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Et quoi qu'on ferait, mes réponses à ces questions, c'est rapidement avant d'entrer. Nous sommes dans une heure, presque 30 minutes là maintenant. Et avec les interférences et les intercations, les différentes anomalies liées aux communications. Vous y êtes là, dans 2 Thessaloniciens. Oui. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Lisons le verset 3 ou verset 9. Ou bien verset 10 même. Mes frères, nous avons toujours rendu grâce à Dieu à cause de vous, comme il est bien raisonnable, parce que votre foi augmente beaucoup et que votre charité mutuelle fait des progrès. De sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter, qui sont une manifeste démonstration du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel aussi vous souffrez. Car il est juste devant Dieu qu'il rendra l'affliction à ceux qui vous affligent et qu'il vous donne du repos à vous qui êtes affligés, de même qu'à nous, lors de la révélation du Seigneur Jésus du ciel avec les anges de sa puissance, avec des flammes de feu pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une destruction éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et pour être admiré dans tous ceux qui croient, parce que le témoignage que nous avons rendu auprès de vous a été cru. C'est pourquoi nous prions. C'est bon, vous avez saisi, n'est-ce pas? Donc la Bible déclare effectivement que nous souffrons maintenant à cause de l'évangile, et c'est la preuve que Dieu va nous donner le royaume. Et la Bible déclare clairement qu'il s'agit donc de rendre affliction à ceux qui nous créent affliction et de nous donner l'héritage, le repos, quand il viendra pour être révélé. Quand il vient pour être révélé, on est dans le repos. Pendant ce temps, il y aura la souffrance ici. Le chapitre 5 des 1 Thessaloniciens maintenant, le chapitre 5, les versets 8 et 9 aussi. De 1 Thessaloniciens. Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 5, c'est parce que nous sommes dans les mêmes passages que, comme vous êtes proche, je peux vous donner les balancer. C'est ça et là. Dans le verset 31. Verset 8 et 9 seulement. Verset 8 et 9. Alors, mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc l'Église épouse ne passe pas par la colère, par l'époque de la colère. Voilà, je crois que c'est clair. Ou qui parlait de Marie catholique là maintenant, là, c'est l'ascension, en fait quoi. Hein? Mais avant ça, j'aimerais vite faire poser une question. J'aimerais savoir, qu'en est-il alors de ceux-là qui disent, de ceux qui vont entrer au prix de leur sang, en fait, qui vont entrer au ciel au prix de leur sang, donc c'est-à-dire qu'on va les tuer, en fait. Non, pas nécessairement, parce que souvenez-vous également que ce n'est pas nécessairement tous ceux-là qui seront tués. Ce n'est pas qu'en réalité, c'est pas que c'est leur sang qui entre là à l'intérieur. C'est vraiment qu'ils seront punis à cause du fait qu'ils tiennent fin pour le nom du Seigneur Jésus-Christ durant ce moment-là, puisqu'ils n'auront aucune protection. Maintenant, nous avons la protection sous la grâce du Seigneur avec le Saint-Esprit. Là, en ce moment-là, il n'y a pas le Saint-Esprit pour faire quoi que ce soit, parce que le nom du Seigneur Jésus-Christ n'aura pas d'effet à ce moment-là. Parce que la période de grâce, c'est la période marquée par l'Esprit de Christ. Et cette période de grâce, quand l'Esprit sera enlevé sur la terre, ce sera les ténèbres sur la terre. Et par conséquent, les gens vont devoir maintenant sceller de leur sang, c'est-à-dire vous confessez que Christ, comme appartenant à Christ, et là maintenant vous êtes zigouillé. Mais il se pourrait que certaines personnes à ce moment-là cherchent même la mort, n'importe comment la mort ne vient pas. D'autres, on te maltraite seulement, comme on a vu dans le livre d'Apocalypse là. Donc en clair, ce n'est pas parce qu'ils n'y entrent pas à cause de leur sang, justement, mais c'est toujours à cause du sang de Jésus-Christ, parce qu'ils lui appartiennent toujours. Ils lui appartiennent, mais à un groupe bien déterminé. Donc c'est la correction qui leur est donnée comme ça, d'accord, pour les punir par rapport à leur malice. Et par rapport à les iniquités. Et nous maintenant, et nous en tant qu'individus, comment serons-nous que nous ferons partie de l'église ou l'épouse en fait? Est-ce que toutes les femmes qui sont ici sont les épouses Ngabo? Non. Non. Tu connais qui est ton mari, ma soeur? Mm-hmm. Oui. Vous voyez effectivement que lorsque vous lisez le livre de Matthieu chapitre 25 qu'on a lu tout à l'heure, on parle des vieilles sages et vieilles folles. Et puis on nous explique là-bas que toutes vont s'assoupir. Parce que la Bible déclare qu'au milieu de l'épouse, on a dit comme l'époux tardait à venir, toutes s'assoupir. Donc que tu sois des vieilles sages, des vieilles folles, la Bible prophétise que toutes vont s'assoupir. Maintenant on dit qu'au milieu de l'année, on crée que voici l'époux, aller en sa rencontre. Qu'est-ce qui a différencié les deux pour que quelqu'un puisse y entrer? Qu'est-ce qui a différencié? Qu'est-ce qui a fait entrer les autres par rapport aux autres? Elles avaient de l'huile. Et que c'est quoi? Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, c'est ça. Voilà, voilà le gage. Que Dieu vous bénisse. Autre chose. Amen. Frère Junior. Oui, mon frère Achille. J'ai posé une question sur les trois péchés, les trois tentations que Jésus a suivies la dernière fois. Tu as dit qu'on devait travailler sur ça cette fois-ci. On arrive, et ce n'est pas seulement toi. Avant toi, il y a le frère, le mari de la sœur Anne qui a posé la question sur les envies. Nous voyons effectivement qu'il y a un contexte maintenant, il y a une direction qui en est d'être suivie, n'est-ce pas? Si on casse là maintenant, on va sortir autre part. Donc il faut qu'on suive cette direction-ci. Quelqu'un parlait tout à l'heure, okay. Donc ta question n'est pas oubliée. Et là, nous allons travailler avec cette tentation-là lorsque nous allons voir au niveau de l'exercice des différentes convoitises de la chair dans notre être intérieur. Donc, je crois que ce sera très intéressant. Je crois qu'il faut noter ça. Okay. Nous allons travailler parce que ce sera intéressant de développer cela avec ces choses-là qui doivent être extirpées de notre vie. Donc, l'exercice des différentes influences des convoitises dans notre chair, dans notre homme intérieur. Et là, on va répondre à cette question-là, d'accord, mon frère? C'est-à-dire, en clair, notre attitude vis-à-vis de ces choses du monde et l'influence, comme par exemple les fêtes et autres là-bas, les désirs du monde, les plaisirs du monde, comment ça fait en nous? Nous allons voir donc effectivement que le Seigneur Jésus-Christ a été influencé dans cette direction-là, sans pour le sens, mais ça ne l'a pas touché. Il a été sous l'influence tout au long de cet environnement-là, mais il ne s'est pas laissé fléchir, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Madame Marie, la grande sœur de Marie, la petite sœur de Marie, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Marie de Apocalypse 12 là maintenant? C'est sa voix. Oui. Je ne suis pas la petite sœur de Marie. Je voulais juste savoir, en fait, le psaume 45 m'a fait penser à Apocalypse chapitre 12, la femme qui était enceinte et qui subissait les douleurs de l'enfantement. Bon, je sais que les catholiques, généralement, ils disent que ici c'est Marie. Mais moi, en fait, je viens de comprendre que cette femme-là, en fait, c'est l'Église qui va rester. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Allons là-bas vérifier. On va se poser des questions. Parce qu'on dit qu'elle va se cacher dans le désert. L'Église se cache dans le désert. Le désert, c'est un lieu de repos, ma soeur. Parce qu'on dit, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Yes. Mais est-ce que le désert, c'est un lieu de repos? Non. Voilà, donc ça veut dire que ça ne peut pas être l'épouse là-bas, n'est-ce pas? Allons-y là-bas. D'accord. Allons dans Apocalypse chapitre 12, donc lisons cela. Cette femme avait 12 étoiles et autres là-bas, 12, la lune sous ses pieds autres. Lorsque vous allez lire, on va poser des questions c'est autour de cette femme-là, jusqu'à ce qu'on l'identifie, d'accord? Allons-y. Dès que vous y êtes, prenez la lecture, lisez. Je vous écoute. À partir du verset premier. Allons-y droitement là où il y a cette femme-là. Puis il y a une signe dans le temps. Quoi? Et c'est une femme qui est parue et autre. Allons-y. Puis parut un signe dans le ciel. Une femme qui était en douleur de l'enfantement et qui voulait accoucher. Allons-y alors. Bon, dans sa version, il n'y a pas encore ça. La seule notice, tu peux le lire alors. Oui. C'est toi. Un grand signe, Apocalypse chapitre 12, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Bon, arrêtons-nous d'abord. Elle enfanta. Non, arrêtons-nous d'abord là-bas et avançons. Identifions d'abord l'enfant et puis on va voir. La scène, tu sais, il y a un défaut chez toi, c'est pas bon. Donc ferme ton micro. Il y a un retour. Voilà, merci. Ferme ton micro. Et quoi, quelqu'un d'autre va continuer la lecture. Plaise au Seigneur. La seule qui tient, tu vas continuer la lecture lorsqu'on va continuer, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez très attentivement. On va identifier le fils donc que cette femme s'est d'accoucher. C'est qui? Il faut qu'on commence par le fils. Qui est cet enfant? Ce fils? Elle enfanta un fils mâle qui va perdre les nations. Il le perdra avec une veste de fer, dit la Bible. Qui est ce fils-là? C'est Jésus. Donc, maintenant, ça veut dire que, un, on connaît que le fils donc qui est né, c'est Jésus. Et donc là, maintenant, on a donc, avec Jésus, on peut identifier maintenant qui est-ce qu'il a enfanté, n'est-ce pas? Exactement. Et donc maintenant, qui l'a enfanté? L'Église. C'est Marie. Non. Mais il y a des gens, c'est l'église. Il y a des gens qui ne parlent pas ici. Là. Les gens restent tranquilles comme ça. Personne ne parle. On reprend ta question. On a identifié que l'enfant mal ici, c'est le Seigneur. C'est Jésus. Voilà. Oui. Alors la question maintenant, c'est que qui l'enfante? C'est Marie qui l'enfante. C'est Marie qui l'enfante. Voilà. Oui. Ok. C'est pas de Marie. Ce n'est pas de Marie, comment? La sœur Anne. C'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit était enceinte. Ah, c'est fort. Donc, d'abord, la première chose d'abord à savoir, c'est que dans le livre d'Apocalypse, les choses sont parlées en images, n'est-ce pas? Mm-hmm. Lorsque vous allez dans la Bible de cette façon-ci, voici ce que vous allez faire. C'est un langage prophétique. Donc, c'est des paraboles qu'il est en train d'utiliser. Et lorsque vous faites comme ça, vous écrivez, on parle de la femme par exemple. Vous vous posez d'abord cette question, cette première question. Quand on parle en langage prophétique de la femme, à quoi est-ce qu'on peut se référer? À l'église. Hein? Oui. À l'épouse. Deux. Continuons. Qui d'autre? Parce que c'est une image qu'on a de voir là, qu'on a de décrire une image. Et si c'est une image, ça se réfère à quelque chose. La sœur Alida vient fermer ton micro. Donc, si on a de décrire une image, si c'est une image qu'on a de parler, en parabole qu'on a de parler, c'est pour... Non, c'est de l'église apostate. Non, nous trouvons dans Ephésiens, donc ça veut dire que l'église apostate qui a produit Jésus alors. Non, je dis quand on parle de la femme. Comme celle qu'on dit qu'elle était assise sur les grandes eaux. Là, on l'appelle comment? Là, dans ce Apocalypse, je vais dire 17, là, celle-là, on l'appelle comment? C'est la femme qui était ivre du sang des saints. Oui, elle a son appellation à elle. Comment on l'appelle cette femme? Dans ce Apocalypse, je vais dire 17, on parle de la femme prostituée. La femme prostituée. Donc, la femme prostituée. À son image à elle. C'est une femme, mais qui s'est prostituée. Mais si on parle de la femme tout court, n'est-ce pas? D'accord. Donc pour utiliser le langage prophétique, donc, il faut donc identifier les différentes appellations de la Bible se référant à la femme dans une prophétie. Mm-hmm. Vous voyez donc que la première chose, c'est l'église qui se réfère à une femme. Mm-hmm. D'accord? Parce que dans Ephésiens chapitre 17, on dit que femme, soyez soumise à votre épouse comme l'église est soumise à Christ. Donc effectivement, on met là que la femme est un type de l'église, n'est-ce pas? Et puis, vous voyez effectivement que Israël est un autre type de la femme. Vous lisez Osée, il va commencer à parler d'Israël comme une prostituée qui allait se prostituer avec les amants. Et Dieu dit même que c'était même sa femme. Il a pris, il l'a nettoyée, n'est-ce pas? Il l'a épousée. Vous comprenez, n'est-ce pas? Puis, il y a le cadre de l'alliance. Vous savez que l'alliance, les alliances également, sont belles aussi sur les femmes. Vous savez ça, n'est-ce pas? Oui, les alliances. Vous avez moi? Oui, tout à fait. Okay. Oui, amen. Ok. Donc maintenant, à partir de là, on peut commencer à délimiter maintenant. On peut commencer à délimiter maintenant par élimination des cas. Mm-hmm. Prenons le cas, le premier cas, si c'est l'église, comme vous avez dit. C'est Christ qui produit l'église ou c'est l'église qui produit Christ? C'est Christ qui produit l'église. Donc ouais, effectivement, que ce serait une bêtise de penser que c'est l'église qui va enfanter Christ, des enfants nouveau-nés, n'est-ce pas? Parce que c'est le nouveau-né, le premier-né qui vient maintenant et que l'église sort de lui. Donc, ça ne peut pas être l'église ici. À cet instant-là, on met le principe du fait que la femme de l'Apocalypse 12 ne peut pas être l'église. N'est-ce pas? Mm-hmm. On a oublié un autre cas, ça pourrait être Marie physiquement. Donc, il y a un quatrième cas, on va vérifier si ça peut être Marie. On va regarder par la suite si ça peut être Marie physiquement. D'accord? Mm-hmm. Voilà. Donc, nous avons éliminé le cas de l'église. Le cas de l'alliance est éliminé forcément. Parce qu'une alliance n'engendre pas le Seigneur Jésus. C'est Jésus qui vient de donner pour produire la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que l'alliance est éliminée, le cadre de l'alliance est éliminé, le cadre de l'église est éliminé. On avance maintenant avec Marie. Est-ce que ça peut être Marie? Lancez qu'à continuer la lecture pour voir si ça peut être Marie. Elle enfanta un fils mâle, continuons là. Où est la sœur Kétia? Je suis là. Continuons la lecture alors, parce que la sœur Laetitia a beaucoup de bruit. Je continue à partir du verset 6. 5. Ok. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Continue. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » C'est pas fini, ma soeur. Lorsque le dragon vit qu'il avait été précipité, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Voilà, stoppons là-bas. Et les deux... Donc, on voit effectivement que des choses se passent en même temps en bas, en même temps en haut. Parce que c'est la suite de l'affaire. Là. Lorsqu'il vit maintenant qu'il a été participé, il allait poursuivre le, la femme qui avait enfanté le fils. Et on a dit que le fils avait été enlevé. La femme. Voilà. Et on a dit que le fils avait été enlevé donc, depuis le haut le trône. C'est à cet instant-là qu'il y a eu, il y a eu la guerre et on a précipité le dragon. Et on a dit que pendant que le fils était parti, le dragon a vu que, okay, comme j'ai tout perdu là maintenant, il fonce vers la femme. Est-ce que vous pensez que ça peut être Marie? Non, c'est Israël. Donc, vous voyez effectivement que Marie est éliminée. Donc, il reste qui? Israël. Maintenant, on revient maintenant dans le passage. On va lire maintenant pour comprendre que tout parle d'Israël là-bas. Maintenant, rentrons. Commençons à partir du verset 1. Allons-y encore. Chapitre 12, verset 1. Doucement. Et un grand signe parut dans le ciel. Une femme du soleil et la lune sous les pieds. Et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Remarquez très attentivement. Quand vous avez vu Joseph se prosterner, Joseph a eu un songe. Qu'est-ce qu'il avait eu déjà? Il a vu 12 gerbes. Il avait 12 gerbes. Et il y a les 11 qui se sont prosternés devant sa gerbe à lui. Donc c'était ça, non? Tu poses la question ou tu réponds, mon frère? C'est ça que je reprends. Il y a eu 12 gerbes dans le songe qu'il a vu. En fait, les 11 gerbes représentaient ces... Ou bien tu réponds en posant la question. En fait, il y avait 11 gerbes. Mm-hmm. Et les 11 gerbes se sont prosternés devant la gerbe de Joseph. Mm-hmm. Quelle est la déplacement que son père en a fait? Son père a fait comprendre que... Que donc tu me dis que moi et tes frères nous prosternerons devant toi. Mais est-ce que lui et son frère, ça fait 11? Non, il y a sa femme. Ah, mais là, regarde, il y a combien de songes que Joseph a eu? Il y a deux songes. Alors, le deuxième songe parle de quoi? Le deuxième parle de la lune et du soleil. De l'étoile, je crois que c'était l'étoile et du soleil. Tu ne dois pas croire, tu as la Bible devant toi, mon frère. Allons-y et vérifions. Oui, c'est l'étoile et le soleil. Ah-ha. L'étoile et le soleil. Allons-y donc dans la Bible, allons vérifier. Mmh. Où est-ce que ça se trouve alors? C'est dans l'Exode, hein? C'est l'Exode. Tu parles. Bon, tu dis comme ça. Dès que... Vous avez trouvé? Genèse 37. Il vous a parlé qu'il y a les 8 secondes là-bas. Tentez-vous les hommes là toujours. Genèse 37. Voilà. Vous y êtes? Genèse 37. Oui, lisons à partir du verset 7 d'abord. Voici, nous étions... Prends la partie, verset 5. 5. Or, Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, et il le haït encore davantage. Il leur dit donc, écoutez, je vous prie, le songe que j'ai eu. Voici, nous étions à lier des gerbes au milieu d'un champ. Et voici, ma gerbe se leva et se tint droit. Et voici, vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alors ses frères lui dirent, régnerais-tu sur nous et dominerais-tu sur nous? Et il le haït encore plus pour ses songes et pour ses paroles. Et il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères en disant, voici, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que veut dire ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père retenait ses discours. Les frères de Joseph s'en allaient paître les troupeaux et leur père à Sichem. Non, c'est bon, les deux songes qui nous concernent ont été déjà lus. Quelle était la réaction de son papa lorsqu'il a eu le songe là, le deuxième songe? Donc son père disait que... Donc, il a réprimandé. Il a réprimandé et il a fait comprendre que... Donc tu veux dire que moi, ta mère et tes frères viendront nous prosterner devant toi. Alors, la question c'est... Est-ce que ce songe-là s'est accompli? Oui. Oui. Ceux qui disent oui, levez les mains, je vais bien vous voir aujourd'hui. Non, pour moi, parce qu'il n'y avait pas la maman, en fait. Non, ce n'était pas accompli. Applaudissons pour la sœur. C'est la sœur Julie qui a bien trouvé. Bon, même si vous êtes hors de photo, on ne vous voit pas dans la vidéo. Je sais que vous applaudissez même dans votre cœur. Donc, on voit effectivement que ce songe-là n'était pas accompli tel que cela. Ça veut dire que ça a une autre interprétation, une autre signification. N'est-ce pas? Parce que justement, Rachel, sa maman va mourir en cours de route. Donc, ça veut dire que sa maman n'est pas venue. Or, maintenant, le soleil, et restons dans le songe. Il a dit le soleil et la lune, et puis 11 étoiles. C'est vrai, on dit que à quoi se réfère le soleil, à quoi se réfère la lune? Le soleil se réfère au père, la lune se réfère à la mère. Dans ce cas, pourquoi la mère n'était pas alors là-bas? Parce qu'elle est morte en route. Parce que le soleil, en fait, c'est le soleil qui éclaire la lune. Le soleil qui éclaire la lune, n'est-ce pas, mon frère? Oui. Okay. Oui. Maintenant, en prenant le livre des Apocalypse, chapitre 12, que nous avons vu tout à l'heure, là, cette femme-là, avec la couronne des 12 étoiles, le soleil sous ses pieds, la lune sous ses pieds. Et on a testé Israël. À quoi est-ce que ça réfère? Pourquoi est-ce que ça réfère à Israël? Pourquoi tous ces symboles-là liés à Israël? Par rapport aux 12 tribus. Oui. Par rapport à le soleil levant, Jésus, oui. Qui vient du peuple d'Israël. Et par rapport que Israël ne l'a pas accepté, en fait. Non, nous sommes encore sur le symbole, on arrive au niveau du fils qui doit venir et autres là, d'accord? Donc maintenant vous voyez effectivement que Israël s'est choisi par Dieu comme garant de ses lois dans l'ancienne alliance, dont la lune qui est l'ombre, et de la nouvelle alliance qui est le soleil qui brille totalement au travers de la fondation des 12 tribus d'Israël. Et c'est de cette tribu, donc, de cette fondation, de cette femme-là, Israël, avec toutes ces deux alliances dont là, que va naître celui qui va venir dominer sur les nations. Et lorsqu'il est né, à cet instant-là, la Bible déclare, maintenant, on entend les images, je peux aller doucement maintenant. Lorsqu'il naît maintenant, si vous avez lu la Bible, dans le livre de... Oui, le frère Christian, regarde, ouais, il s'arrête, il dit que nous amène aux choses comme ça. Que le Seigneur te bénisse. Lorsqu'il naît, vous voyez effectivement qu'il, lorsqu'il naît, et regardez la période où il naît, avant qu'il naisse, Antiochus Épiphanie est venu avec l'armée rouge. Ils se sont installés en plein Jérusalem, en plein territoire d'Israël. Souvenez-vous que Rome, c'est le dragon rouge. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous que Rome, c'est le dragon rouge. L'armée rouge. Souvenez-vous bien de cela. Pour vous qui êtes à Rome et en Italie, souvenez-vous que vous êtes dans les terres de l'Antichrist. Maintenant, regardez très attentivement. Lorsqu'il est né, lorsque Israël produit l'enfant, remarquez très attentivement que Hérode n'a jamais cherché à tuer Marie. N'est-ce pas? Vous voyez que le dragon a figé, est venu se localiser dans le pays où l'enfant mâle devait sortir. Dans la nation où l'enfant mâle devait sortir, Israël. Et veiller à ce que quand l'enfant va être né, pour qu'il le tue. Et c'est ce que Hérode a fait, pas vrai? C'est ça, exactement. L'enfant a été enlevé, il est sorti, il a fait exactement ce qu'il avait fait. Il a été enlevé auprès de son père, pas vrai? Tout à fait. La Bible déclare que quand il est monté comme ça, souvent, ces choses qu'on a racontées dans l'Apocalypse, là, il y a beaucoup d'événements, des séquences et des années qui vont travailler, qui vont traverser tout autour. Il y a encore quelqu'un qui est encore venu avec les... Yannick, viens fermer ton micro, d'accord? Ok, c'est fait. C'est fait, avant que tu parles, on entend. C'est fermé, ton micro est fermé, n'est-ce pas? Yannick, ton micro est fermé, n'est-ce pas? Donc ton micro est vraiment fermé, n'est-ce pas? Ouais. Non, c'est pas fermé. Mais on ferme alors donc, parce que ça fait du bruit, n'est-ce pas? Okay. Voilà, il ne faut pas que tu dormes, on demande, est-ce que tu dors? Tu dis oui, je dors. Alors, la Bible déclare donc, remarquez très attentivement dans ce livre d'Éphésiens, Apocalypse chapitre 12 que nous avons lu, la Bible déclare, il y a beaucoup de séquences qui se passent entre la conception de cet enfant, la nation, la mort, ainsi de suite, la persécution. Maintenant, puis on nous raconte un autre scénario maintenant, lorsqu'il est monté, on dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, il ne fut plus trouver de place pour eux. Remarquez très attentivement, quand ils ont été expulsés, et c'est là où ça devient intéressant. Quand ils ont été expulsés, la Bible déclare que cet enfant mâle qui doit naître doit perdre les nations avec une verge de fer. Or, cet aspect-là de perdre les nations avec une verge de fer n'a pas encore été accompli. Vous savez ça, n'est-ce pas? Voilà. Or, remarquez très attentivement, c'est quand le dragon est chassé dans le ciel que la Bible déclare que maintenant le salut est à notre Dieu et que l'autorité du monde a été remise à son Christ. Vous remarquez, n'est-ce pas? Et or, jusque-là, la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, que le monde entier est sur la puissance du malin. C'est pour ça que je pose la question aux gens à l'extérieur, enfin n'importe où dans les enseignements, que à quel moment Satan a été précipité du second cas Apocalypse? Où est-ce qu'Apocalypse 12 là n'a pas encore été accompli? Parce que justement, il est encore dans les. Le comment dire, puisqu'on dit que la puissance des airs, exactement. Okay. Donc, et dans ces paroles là de l'Apocalypse, on dit quand il est descendu, il était furieux. Or, maintenant, il donne même des bénédictions, même dans les sectes. Il était furieux. La Bible déclare malheur à la terre et à la mer. Puis on dit heureux ceux qui sont dans les cieux, qui habitent dans les cieux. Vous voyez effectivement qu'il y a un style d'habitant maintenant qui se trouve dans les cieux. Les anges, on peut dire aux anges qu'ils soient heureux parce que les anges sont toujours là. Donc, une catégorie de personnes maintenant se trouve dans le ciel, ils habitent là-bas. Donc, l'enlèvement a eu lieu. L'enlèvement a eu lieu dans les cieux. L'enlèvement, la Bible déclare dans 2 Thessaloniciens que vous savez ce qui l'empêche de se manifester. Il faut que ce qui l'empêche soit enlevé. Quand ça sera enlevé, il se manifestera. Donc, quand l'église monte, ils sont précipités. Non. La sœur Loris. Oui, mon frère, je m'excuse vraiment. Oui, je suis désolé. Nous t'excusons. C'était déchargé, j'ai mis en charge et puis je suis un peu occupé. Je voulais m'excuser. C'est parce que j'avais un témoignage à faire et puis. Mais peut-être ça sera pour une autre fois. Non, dès qu'il finit l'histoire de l'enlèvement et autres, là-bas, on prend ton témoignage. D'accord, ma sœur, que Dieu te bénisse. Parce que j'avais justement un témoignage à faire et un témoignage sur un son sur Apocalypse 10 que j'ai fait il y a peut-être 6 mois. Oui. Jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre pourquoi je n'arrive pas. Je dis ça tous les jours, mais j'ai du mal à comprendre. Là, ton téléphone est déjà chargé. Tu me permets de finir 2 minutes et puis je reviens. C'est déjà chargé. D'accord. Okay, donc, merci. Oui, c'est juste 67%. Okay, c'était donc, complètement déchargé. Coupe donc tout simplement ton micro alors. Donc, vous merci. Merci beaucoup. Donc, vous remarquez effectivement que dès que c'est le chapitre 2 où on parle de cet homme impur, la Bible déclare que vous savez ce qui l'empêche pour qu'il se manifeste de sa manifestation. Qui se manifeste qu'en son temps. Il dit ce qui lui bat le chemin. tant que le Saint-Esprit est sur la terre, la lumière est encore sur la terre. Mais au fur et à mesure, quand l'enlèvement aura lieu, il n'y aura plus de lumière sur la terre, tout sera ténèbre. C'est un endroit propice pour lui maintenant de se manifester. Donc quand l'enlèvement a lieu, quand l'enlèvement, Loris, vérifie ton micro, justement. Quand l'enlèvement a lieu, on monte, et là maintenant, il y a la ils sont propulsés. Tous les esprits qui logeaient là-bas haut vont se loger sur la terre. Quelle époque terrible sur la terre. Quelle époque terrible sur la terre. Les gens vont vivre. Et donc maintenant, vous voyez que quand on dit maintenant que réjouissez vos cieux et ceux et les habitants des cieux, je veux que vous compreniez très attentivement qu'on ne peut pas parler des anges qui se réjouissent dans les cieux. Parce qu'ils sont toujours. Donc il y a des habitants dans le ciel qui ont logé maintenant là-bas. Donc l'épouse se trouve à l'intérieur, mise à l'abri. Ils sont entrés dans la maison. Et on dit maintenant, ils peuvent se réjouir. Réjouis-toi maintenant, ils peuvent se réjouir avec le roi. Maintenant, on dit maintenant, malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous et il sait qu'il n'a que peu de temps. Et effectivement, quand vous lisez dans la chronologie qui est mise là-bas, la Bible déclare que la femme avait une période de 1260 jours. Et ces 1260 jours correspondent aux 42 mois, c'est-à-dire qu'en termes de mois, 30 jours, ça fait 3 ans et demi. Donc, c'est une courte période. Et le Seigneur avait dit que ces époques-là seront abrégées. Parce que si ce n'est pas abrégé, personne ne sera sauvé. À cause de l'intensité des combats, des ténèbres avec la lumière. C'est pas où c'est ici. Tout à fait. Maintenant, on dit donc que la Bible explique dans l'Ancien Apocalypse donc que quand il a vu qu'il avait été chassé donc là-bas, et remarquez, on dit que les habitants du ciel là, on dit que réjouissez, ils n'ont pas craint la vie, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ah mon Dieu, c'est merveilleux. Ce verset 11 du chapitre 12 d'Exode, d'Apocalypse dit quoi encore, mon frère? Regarde encore ça, le verset 11 du chapitre 12 d'Apocalypse. Chapitre 12, verset 11. Oui. Verset 11. Donc ça veut dire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Alors voilà, jusqu'à craindre la mort. Donc vous voyez effectivement qu'il y a un problème. Ici, et là, le diable a envie de descendre. On dit, quand le diable a vu maintenant, il est descendu. Or, cette personne-ci, ce groupe de personnes, on dit que ceux-ci l'ont vaincu. Donc Satan n'a pas de dominance sur eux. Il ne peut pas les dominer. Donc il ne se trouve même plus dans son territoire. Ils ont été mis à l'abri. Parce que le sang de Jésus-Christ les a purifiés. Ils n'ont plus rien à être reprochés par cela. Donc c'est une bêtise que de penser que l'église épouse va passer par la grande tribulation. Maintenant, quand ils sont mis à l'abri, la Bible déclame là malheur à la terre et à la mer. Pas vrai? Tout à fait. Ça veut dire que les personnes qui se trouvent maintenant sur la terre, vous avez foi à faire avec le diable. Il va vous traiter. C'est ce qu'il a dit. Or, un groupe de personnes l'ont vaincu. Vous saisissez. Et ils ont vaincu pourquoi? En réalité, à cause du sang. Et la Bible déclare que parce que celui qui est à l'intérieur de nous est plus grand que celui qui est là-bas. Ils l'ont vaincu. Quand ils enlèvent maintenant, on dit que ceux-ci sont les vainqueurs. Et Jésus avait dit que les vainqueurs seront enlevés et doivent être mis à côté de lui. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible déclare que quand le dragon vit qu'il avait été précipité, il s'est dirigé vers qui? Dans la mère, celle qui avait enfanté le fils. Voilà. Donc, c'est pour ça que la cible, ce sera Israël. Vous voyez pourquoi l'église doit vraiment suivre Israël, n'est-ce pas? La cible, c'est Israël. Le Satan ne vient pas persécuter le Cameroun. Le Cameroun le sait depuis. La nation qui a pour Dieu le Dieu de la Bible, c'est Israël. Vous cessez ça, n'est-ce pas? Donc, il va aller là-bas. C'est pour cela qu'il va aller. Le temple étant érigé là-bas, il va aller s'asseoir dans le temple, se faisant même passer pour Dieu. Parce que c'est là-bas que ça se trouve. Est-ce qu'il va aller dans le temple de l'église catholique de Mvoli? Jamais. C'est lui qu'on sait là-bas depuis. Il veut le cœur de Dieu parce que dans son âme intérieure, il avait voulu que les fils de Dieu l'adorent. Il va aller s'asseoir là où Dieu veut, c'est là où il veut. Il avait dit qu'il va aller à l'extrémité du septentrion là-bas, là où sur la montagne, le sommet de nu. Et c'est là où il va bâtir son temple. Et il va s'asseoir sur le siège de Dieu, se faisant adorer. Et donc là, tous ceux qui vont le suivre à ce moment-là vont aller à leur père. Et tous ceux qui vont se dresser contre lui, ce sera la tribulation. Dans une période de 3 ans donc, maintenant, écoutons très attentivement. Je ne sais pas, c'est compliqué. Je crois qu'ils en ont parlé déjà dans l'annoncement de la grande tribulation. Si vous lisez Apocalypse chapitre 11, les 3 premiers versets, il y a 2 témoins qui sont suscités à cette période-là, durant ce moment-là, pour prêcher aux Juifs que ce n'est pas votre Messie là-bas. Et durant la période de prédication, c'est justement 42 mois, c'est le moment que Dieu se règne là. Et au moment après la prédication de 3 ans et demi, la Bible déclare que la bête là va les tuer. Ça veut dire que Satan va avoir raison d'eux. Mais avant ça, durant la prédication, les gens vont croire 144 000 personnes seront scellées de son esprit, l'esprit du Seigneur. Pour préparer maintenant par rapport à quand il va venir pour qu'il puisse servir sur la montagne de Sion. C'est pas ce que vous saisissez. Alors maintenant, là, vous lisez Zacharie chapitre 11, le verset, chapitre 11, chapitre 12. La Bible parle de, il répandra sur, les, quoi, sur la maison de David de l'esprit de grâce. Ils tourneront un regard, le regard sur lui. Donc, la repentance sera prêchée maintenant pour la conversion au Messie, au peuple juif. Par ces deux prophètes. Et là maintenant, on dit qu'on mesure le pavé extérieur, on va laisser cela aux nations pour qu'ils le foulent au pied. Parce que c'est là où les nations vont affluer maintenant, parce que Dieu sera à Jérusalem. On va encore aller là-bas pour l'adoration comme il a donné à Moïse sur le mont Horeb. Ça doit être rétabli. Tout doit être rétabli. Les gens vont commencer à affluer encore à Jérusalem, comme on a vu dans Actes chapitre 2 où les gens étaient venus à la Pentecôte. Vous y avez moi? Je ne sais pas si c'est compliqué. C'est compliqué. Ok. Tout à fait. Alors maintenant, durant ce moment-là, si vous lisez effectivement Apocalypse chapitre 11, le verset 15 dit que lorsque le septième an sonnera de la trompette, il y a une voix qui s'est fait retentir que maintenant le royaume du monde est remis à son Christ. Il a pris autorité maintenant de son royaume. Donc tant que la septième trompette n'est pas sonnée, nous sommes sous la coupe du diable. Et nous sommes sous le coup de sa gouvernance. Parce qu'il règne dans les régions supérieures, il règne aussi dans les régions inférieures. Où le Seigneur est descendu jusqu'à ce qu'il a réclamé les âmes qui lui appartenaient. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on attend tout simplement que ce qui empêche l'homme impie de disparaître. Quand ce sera enlevé, il va se manifester. Vous avez moi, n'est-ce pas, mes frères? Mais ça veut dire que nous, on ne le verra pas. Je dis même avant que son avènement, l'avènement de l'homme impie, nous, on ne pourra pas le voir. On serait déjà parti. Lorsqu'il se il est en présence là maintenant, physiquement. Ah. Vous ne saviez pas ça? Bon. Quand il va être révélé alors? Révélé, c'est sa manifestation. Regardez très attentivement. Quand le Seigneur Jésus-Christ est né, c'était écrit dans la Bible qu'il viendrait, non? Que la femme enfanterait, que la Vierge enfanterait, n'est-ce pas? Elle a enfanté un petit village là-bas, à Bethléem, là-bas. Quand elle est née à Bethléem, le commun de mortels continuait leur religion tout autour, pas vrai? Il a grandi dans leur festivité, il venait dans leur festivité. Mais il était déjà au milieu d'eux. Le moment où il devait se manifester en ce jour-là, dans ce baptême-là, à l'âge de 30 ans, il a dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. On s'attend à ce que le moment où l'Antichrist va venir, il sort du sein, bam! Non, il va naître d'une femme. Enfin, il est né d'une femme et d'un homme. Bien! Il se trouve là, là en plein. Et on vous voit à la télévision chaque fois, apprécié, doux et simple. Il est là en plein. N'allez pas croire que l'Antichrist va naître, l'homme va naître plus tard. Il est là. C'est une époque délicate que nous sommes en train de vivre. Une époque délicate qu'on est en train de vivre. N'allez pas penser que l'Antichrist va naître il y a dans 50 ans. Il est là. N'allez pas croire cela. Il est là en plein milieu de l'humanité. Seigneur, permets-nous de comprendre ceci. Permets-nous de comprendre ceci. Attendez seulement. J'ai parlé une fois là que j'ai vu une situation arriver et le mur de lamentation est tombé, n'est-ce pas? Exactement. Attendez seulement. Et j'ai dit dans un enseignement que si vous voyez que le mur a été érigé, sachez que l'enlèvement a eu lieu, vous ne savez pas tout simplement. On est dans une époque délicate. Dans une époque délicate. L'antichrist, l'homme impie se trouve en plein milieu. N'attendez pas qu'il va naître, il va grandir. Bon, de toute façon. Alors maintenant. Non, il va venir d'un milieu religieux. Continue tout comme ça. Là. Alors maintenant, la Bible dit il y a trois. La seule étude, ça ferme ton micro. Tu veux parler? Rajouter en fait que tu avais dit, il y a un enseignement où tu as dit que l'Antichrist viendra d'Allemagne. Non, c'est parce qu'il dirait que l'un de ses siens sera là-bas. Il va se manifester là-bas. Parce qu'il a vu ce qui s'exerçait là-bas. L'un de ses laboratoires les plus terribles, c'est là-bas. Et je crois que dans ces professeurs, j'ai parlé des âmes qui criaient tout autour là-bas. Et j'ai vu les gens qui étaient engênés, des choses qui se faisaient là-bas, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Donc c'est l'un des quartiers généraux les plus terribles, ce sera là-bas en Allemagne. Je comprends maintenant pourquoi cet esprit là-bas. Vous arrivez en Allemagne, c'est terrible seulement l'atmosphère qui est là-bas. Pitié seulement, pitié. Pitié. C'est un bon territoire pour l'Antichrist vraiment de se manifester. Un très bon territoire. C'est terrible, terrible. Le cœur soudé comme le cristal. Je crois peut-être que le seul étudiant intervenait pour dire qu'il dise que de quelle nationalité il est. Oui, il est. Bon, maintenant. Comme il n'a pas posé la question, c'est ce que je voulais, frère. C'est ce que tu voulais. Bon, alors, dans ce cas. Ferme alors le micro, ma seule étudiant, on a entendu. Écoutez très attentivement. Restez devant le Seigneur et travaillez que tout le cœur soit pur pour qu'on voie Dieu. Laissez l'Antichrist tranquille. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Il est là. Vous savez, si les gens savaient où Satan habitait, ils partiraient avancer le feu. Les pentecôtistes se réunissaient là-bas pour balancer le feu sur lui. Dieu parle de cet homme impie là comme un mystère. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être donné à tout le monde de connaître. Souvenez-vous de cela. Les mystères doivent être révélés. L'Antichrist est en plein milieu de nous. Cet homme impie est en plein milieu de nous. Il est né. Il a suivi les entraînements de part et d'autre. Allez là-bas, il arrive d'assister des conférences. D'autres personnes l'apprécient comme un homme politique. Vous parlez. Attendez seulement. Le moment où il va se révéler. C'est délicat. Pourquoi on est en train de vivre? C'est délicat. Je vous souhaite prendre le temps maintenant pour parler maintenant de cette nécessité de nettoyer de ce cœur pur là maintenant. Où est la sœur Loris? Donc en clair, on a vu dans Apocalypse chapitre 12 qu'il s'agit d'Israël là maintenant. Oui, effectivement, que l'Israël, la loi sous Moïse, qui est l'ombre, et la réalité, le Nouveau Testament, sont sortis de ce peuple-là qui a pour fondation les douze tribus. C'était par elle, donc, la loi. De toi sortir, de Sion sortira la loi, dit la Bible. Est-ce que Yannick peut fermer son micro? La sœur Loris, si tu nous entends, you have the floor now. Oui. Allô? Oui, ma sœur. Vous m'entendez? C'est sûr, c'est. Merci. Bonjour à tous les nouveaux frères et sœurs que je connais pas encore. Que Dieu vous bénisse. Hein. Donc, je voulais témoigner déjà par rapport à... Parce que j'ai vécu... Enfin, depuis un mois, je pense que depuis là où j'ai décidé vraiment de suivre le Seigneur dans la sanctification extérieure, parce que intérieure, je pense que c'est tous les jours, mais extérieure, c'était pas encore tout à fait ça. J'ai commencé à avoir une toux nocturne. Au départ, je me suis dit, c'est une toux d'irritation, ça va passer. Bon, j'ai prié comme d'habitude, mais ça ne passait pas, ça persistait. Ça s'est arrêté une semaine, j'ai dit, bon, gloire à Dieu. Mais la semaine dernière, ça a recommencé, lundi, ça a recommencé, toujours à la même 5 heures, quand je regarde mon réveil, c'est 5 heures du matin. Je me suis dit intérieurement, c'est plus normal, ça m'embête parce que ça me fait tousser, j'ai beaucoup de salive dans la bouche. Du coup, mercredi, quand je priais le matin, le Seigneur m'a mis à l'esprit d'envoyer un message à Frère Junior. Donc, je l'ai fait, j'ai envoyé un message en lui demandant s'il pouvait m'appeler. Et je remercie le frère qui a réagi dessus, qui m'a appelé tout de suite. Je lui ai expliqué mon problème. Il m'a juste dit, ma soeur, ne t'inquiète pas, regarde la vidéo, le témoignage d'un frère, je ne sais plus trop le titre, Dieu. Le Dieu de la Bible, bref, je ne sais plus trop le titre, mais bon. Il pourra m'aider, hein. Moi je sais plus. Je sais que c'est le Dieu de la Bible. Le Dieu des Africains contre le Dieu de la Bible, je crois bien, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc il m'a dit, regarde, au moment où je prie, tu pries aussi. Donc j'ai regardé tous les témoignages. Au moment où il a commencé à prier pour la délivrance de cette jeune sœur, j'ai aussi prié, mais je n'ai pas eu de manifestation. J'ai rien eu. J'ai dit, bon, Seigneur, je reçois ma guérison, hein. Dans la nuit, je me suis couché, je m'attendais à ce que je tousse. Rien du tout. J'étais tellement étonné que j'ai dit, bon, j'attends quand même le deuxième jour pour en parler à la famille. C'est pas que je doute, mais c'était tellement radical, instantané. J'ai dit, waouh, ce que je vis au quotidien, ça m'arrive personnellement à moi. Dans le deuxième jour, j'ai dit non. Et depuis, j'ai plus toussé jusqu'à l'heure où je vous parle. J'ai plus toussé, ma gorge n'a plus gratté, j'ai plus de la salive dans la bouche. Ils m'ont dit gloire à Dieu, vraiment, serviteur Frère Junior, que le Seigneur te bénisse. Et que nous, on prie beaucoup pour lui, parce que vraiment, c'est pour nous, c'est un cadeau du ciel qu'on ne peut pas imaginer de l'avoir, parce que il faut qu'on le préserve dans la prière, parce que Satan, il ne dort pas. Hein. Tout le monde doit beaucoup prier pour toi, et nous savons que tu pries beaucoup pour nous. Puisqu'à tout le temps, tu es connecté sur Skype, je me demande quand est-ce que tu dors, mais bon, c'est ton appel, hein. Chacun son boulot. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. C'est ce que je voulais témoigner parce que franchement, ça a été radical. Ça faisait un mois que ça durait et tout le temps à 4 heures du matin, je dis à mon mari, c'est plus normal ça. Je crois que Satan, j'étais un peu un pied dedans, un pied dehors. Là, il veut, non, c'est pas normal, je veux plus. Donc là, vraiment, je suis dans la joie, je m'accroche, c'est pas facile. C'est pas facile. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus. Je sais pas le mot que je vais employer parce que je me suis abandonné. Le Seigneur fait grâce. Et je ne vais pas monopoliser la parole parce que même au niveau de la sanctification extérieure, au début, j'avais peur. Mais ça se passe. C'est comme être à la poste où je n'en reviens même pas parce que je m'attendais à ce que les gens me regardent drôle. Mais au contraire, c'est plutôt des compliments, des félicitations. Je dis, mais c'est pas possible. Mais bon, Seigneur est vraiment merveilleux. Donc, je conseille aux sœurs qui ont peur, qui se posent des questions. Si vous voulez marcher avec le Seigneur, sachez qu'il prépare tout. Si vous êtes vraiment prêt, sachez qu'il va combattre à votre place. Et quand on est prêt à marcher dans sa vocation de son cœur, le Seigneur est là. Il est là. Il est vraiment là. C'est ce que je vois tous les jours. Hein. Je m'en fous entre guillemets parce que c'est aujourd'hui, je vis plus pour moi, je vis pour lui. Et tout ce qui est à son honneur, pour lui faire plaisir, je suis prête à le faire. Et même si, quelles qu'en soient les conséquences, mais bon, quand le Seigneur est vraiment là, on y arrive. Si ça peut vous rassurer, on y arrive. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais bien rassurer à ceux qui nous écoutent que je n'ai rien à voir avec cette voix-là. Cette voix, lorsqu'elle sort et qu'elle retentit, il y a derrière la guérison. Donc, lorsqu'elle localise quelqu'un, ce que la personne lui demande, ça se manifeste automatiquement. Donc, souvenez-vous, vous n'avez rien à voir avec cette guérison. Je suis comme ça, votre frère. Donc, il a décidé de sortir cette voix-là pour toucher parce qu'il est conscient du fait que les gens ont des problèmes. Et donc, lorsque quelqu'un écoute, qu'il soit n'importe où, il y a le cas d'une soeur dans une maison qui était hantée et puis le Saint-Esprit a dit, donne-lui cet audio qui prend la partie où on priait. On a mis là-bas dans la maison, elle allait mettre dans son DVD. J'ai dit, mets cela et joue en boucle. Il a joué en boucle, le Saint-Esprit est sorti en frappant la fenêtre. Ils ont entendu jusqu'à ce qu'il a renversé les choses. Donc cette voix-là est faite pour chasser les ténèbres. Il y en a tellement de témoignages. Quelqu'un tient encore un autre témoignage ou quoi que ce soit, avant que tu reviennes dans ton Apocalypse chapitre 10 là, ton grand ange là. Quelqu'un a-t-il des témoignages? En fait, c'est pas un témoignage, frère Junior. Je voulais juste faire une remarque par rapport à l'enlèvement qui est proche. J'y crois et j'y ai surtout. J'ai pris conscience cette semaine parce qu'il y a eu beaucoup de signes comme ça. Et en fait, je me suis hasardée cette semaine à mettre, à regarder ce que je fais très très très rarement, à regarder le journal du Cameroun. Et je suis tombée sur une image et je me suis dit, vraiment, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y avait toute une panoplie d'hommes. Et ils avaient tous l'insigne de la Rose-Croix. Et j'étais pas sidérée parce que moi, je dis, si le Seigneur revient nous prendre bientôt, gloire à son Saint-Nom. Mais je n'ai pas pu m'empêcher même d'expliquer à ma fille de 11 ans ce que ça voulait dire, en fait. Ils étaient au moins une vingtaine, peut-être même une trentaine. Tous avaient l'insigne de la Rose-Croix. Et avant, c'était caché. Mais quand on dit que l'iniquité de va s'accroître, on est vraiment dans cette période-là. C'est-à-dire qu'ils ne se cachent plus. Ils sont à découvert. Et c'est de plus en plus... ils sont de plus en plus nombreux. J'étais obligée d'expliquer à ma fille que voilà, tu vois ce signe, en fait, ça veut dire que c'est la Rose-Croix. Elle m'a demandé ce que c'était. J'essaie de lui expliquer avec ce que je connaissais. Et l'image d'après, c'est-à-dire après, enfin le reportage d'après, on montre également quelqu'un, il a le même insigne, c'est ma fille qui dit, normalement cet homme-là, c'est plus du tout le même reportage, mais il a également cet insigne. Et ensuite encore, deux images après, le même insigne. Et elle ouvrait les yeux grands tellement elle était sidérée. Parce que je vais expliquer que ceux qui sont dans la Rose-Croix ne peuvent pas marcher avec le Seigneur. Ils ne sont pas, ce ne sont pas des enfants de lumière. Donc elle était sidérée en même temps que moi. Bon, moi, je, entre guillemets, sidérée, mais j'ai juste constaté effectivement que le retour est proche parce que on est vraiment dans un moment où l'iniquité est vraiment accrue et il ne se cache même plus. Ça, c'est la télévision camerounaise, d'habitude. Ça, c'est à la télévision camerounaise que tu as vu ces choses-là. Oui, à la télévision, la CIR TV, hein, pour ceux qui connaissent, c'était le journal CIR TV. Ok. Peut-être la Rose-Croix d'avant, maintenant, elle est chrétienne d'aujourd'hui, comme 32 égale à 500 gigas. Quelqu'un a-t-il des témoignages ou d'autres choses? Merci, la soeur Laetitia, merci pour ton intervention. Et c'est comme ça, le Cameroun, c'est le Cameroun. Oui, allô? Oui, qui parle là? Oui, c'est Mamadou. Ok, le frère Mamadou. Ouais. Oui, en fait, j'ai un témoignage aussi. Quand je t'ai eu la dernière fois, tu m'as envoyé deux vidéos que je devais écouter en fait. Oui. Vu que ma maison est hantée, et puis bon voilà que je n'arrivais pas à dormir. Et tu m'as dit, tu écoutes ça la nuit, tu vas voir ce qui va se passer. Mmh. Donc, du coup, j'ai écouté. Mais justement, j'avais oublié ton cas, tu n'étais plus rentré pour me dire ce qui s'est passé. Arrêtez, dis-nous. Oui, oui. En fait je me suis endormi, en fait. Mmh. En écoutant, je me suis endormi. Mmh. Et vers 4 heures, il y a une voix qui m'a réveillé. Donc, je me suis levé, mais la vidéo continuait toujours à tourner. Mmh. Et du coup, je me suis levé, et j'ai eu envie de vomir. Mmh. Donc je suis parti aux toilettes, j'ai vomi. Et après, comme je devais travailler à 5 heures, je suis parti au travail. Mais toute la journée au travail, j'ai été aux toilettes. J'ai eu la diarrhée. Donc, depuis lors, ça va dans la maison, ça va. Depuis lors, ça va. Mais moi, personnellement, je sens que franchement, toute la journée, c'est qu'il y avait beaucoup de choses en moi qui ne confessaient pas le nom du Seigneur, quoi. Parce que j'ai fait beaucoup aux toilettes et j'ai beaucoup vomi. Mmh. Et là, je me suis dit, mais j'espère que c'est pas la... Je me posais la question si c'est la vidéo ou pas. Là, je me suis posé la question. Parce qu'il y a une voix qui revenait tout le temps. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une voix qui revenait. Mmh. Donc, c'est cette voix-là. Je sais pas si c'est cette voix-là qui m'a délivré. Mais franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant, ouais. C'est impressionnant. Que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est pour ça, ouais. Mm. Amen. Oui, qui d'autre a quelque chose à dire? Je crois que ça va pour ce dimanche, n'est-ce pas? Oui, la sœur Loris. La sœur Loris, tu avais une question concernant le... Apocalypse, j'ai fait un songe il y a 6 mois. Oui. Donc, où je sais pas, le Seigneur me demandait de lire Apocalypse 10. Mm. Parce qu'il me parle beaucoup en songe par rapport à la Bible, par rapport au son. Mais là, c'était Apocalypse 10. Mm. Donc, j'ai pas très bien compris. Et quand tu as lu Apocalypse, c'est un grand ange qui avait mis les pieds là-bas. Il a pris le livre, il a levé la main, il a dit qu'au jour de la prédication de la voix du septième ange, les mystères, oui, de Dieu se compléteront, comme il a dit à ses serviteurs, les prophètes, et ainsi de suite. Et il allait prendre le livre pour prophétiser sur les nations. Qu'est-ce que tu te déranges dans ça? Il a mangé le livre. Je sais pas, il a mangé le livre. Je peux relire. Hein. Oui, c'est ça, justement. Et c'est ça qu'on a dit, voilà, t'es dit, fais comprendre. Comment tu ne comprends pas? Donc, le Seigneur dit non, que tu dois davantage travailler dans la Bible, quoi. Ouais. Mmh. Ok. Mmh. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça que tu dois rester encore dans la parole. Pour travailler davantage avec lui. D'accord. Et donc, si tu restes avec lui davantage, il va davantage te montrer de grandes choses concernant toi, ton environnement et même le monde. Bah ça, je pense que c'est vrai, parce que c'est beaucoup. Il est vraiment grand. Il est grand. J'avais compris, peut-être pas comme ça, mais j'avais quand même compris que j'avais beaucoup de travail à faire. Mmh. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, quelqu'un qui t'aime de tout son cœur, de tout son âme, et en retour, on n'est pas toujours fidèle. J'ai dit non, je vais maintenant vraiment mets-toi, on n'a plus de temps, mes soeurs, mes frères, on n'a plus de temps. Mettez des fruits à votre compte pour le Seigneur désormais. Mettez les fruits à votre compte. On n'a plus de temps. Mettez donc des fruits à votre compte maintenant pour le Seigneur. Travaillez pour lui. La Bible déclare, exactement, dans le livre d'Apocalypse, Jean chapitre 16, 15 verset 16, la Bible déclare, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai envoyé, qui vous ai établi, qui vous a envoyé afin que vous alliez, que vous portiez des fruits, que votre fruit demeure. Si le Seigneur vient aujourd'hui avec cette manifestation-là, s'il vient aujourd'hui, quelles sont les choses que nous allons produire comme étant le fruit? Il faut qu'on se pose les questions. Il faut qu'on on se mette rapidement au travail. Ceux qui ne travaillent pas pour le Seigneur, travaillez pour le Seigneur. Travaillez pour le Seigneur. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Commencez quelque chose pour le Seigneur. Commencez. Il va vous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Franchement, frère, c'est exactement ça. Hein. C'est ça. Je suis. Non, c'est vraiment. Je crois que j'ai compris. J'ai compris et c'est ce que je suis en train de faire. Mmh. C'est ce que je suis en train de faire. Mmh. J'ai compris que j'ai assez travaillé pour les hommes, maintenant je dois travailler pour le Seigneur, c'est vrai. C'est ce que j'avais compris. Et là, je suis en train de faire pas mal de trucs. Au moins venu, le Seigneur fera savoir, en fait. Donc, voilà. Ouais. Exactement ça. Où est la sœur Flora là? La sœur Laura, tu, Flora, tu nous entends? Ouvre ton Skype. Elle est où la sœur Flora? La sœur Flora, si tu m'entends, ouvre ton ta vidéo. Ouvre ta vidéo et ton micro. Préparez-vous pour la prière pour cette sœur-ci. La sœur Flora. Où est la sœur Flora? Ouvre ta vidéo, ouvre ta vidéo, ouvre ta vidéo. Baisse le micro, baisse le bas, baisse le volume. Baisse le volume, oui. Je crois que quelqu'un parmi là, ouvre, même maintenant, mets ta vidéo. Il y a quelque chose là. Mets ta vidéo. Frère Junior. Oui, attends là rapidement. Pourquoi tu pleures ma soeur? C'est quoi? C'est mal. J'ai des douleurs dans le bas-ventre parce que, en fait, quand j'ai eu ma fille de 4 ans, j'ai fait du gâteau de trompe. Oui. Et depuis là, enfin, je suis venue pour la délivrance en Côte d'Ivoire et après, je suis rentrée, mais ça s'est calmé. Oui. Et là, j'ai comme l'impression que ça a repris. J'ai mal au bas-ventre et je sens quelque chose qui se promène dans mon ventre. Il y a encore la ligature là-bas. Place-toi dans un endroit où on va prier. La seule origine, tu peux couper ton micro. Oui, mon frère. Oui, oui, finissons avec toi le temps que cela se pose. Oui, tu voulais dire quoi? Bonjour. Ben, tu as fermé ton micro, il ne veut pas saluer mon frère comment? Mon frère, bonjour. Bon, Dieu bénisse la maison. La touriste, quand elle parlait, sa voix sortait. Maintenant, quand son mari est venu, elle nous ferme le micro pour qu'on n'entende pas son mari. C'est l'origine, je crois que fait parce qu'on va prier une soeur là qui a des problèmes dans son ventre là. Je crois qu'on va prier, il faut que ces choses-ci la lâchent. Oui, la soeur Anne. Oui. Toi-même, tu as besoin de prier. La soeur Anne est où? Oui, mais je voulais poser une question d'abord. Oui, oui. Tu es pas où? On t'a vu. Je voulais savoir, Jésus. Christ. Et Dieu. Trois noms différemment et j'ai été délivré. Oui. Je ne sais pas si je peux expliquer, hein, c'est pas long. Vas-y, ma soeur, nous sommes là pour la vie. Dans le premier, dans le rêve, j'étais là et je voyais devant moi trois gros chiens. Moi, ils étaient vraiment grand de taille. Et ils venaient vers moi avec force. Ils couraient vers moi. Donc, moi, j'étais arrêté. Hein. J'ai voulu fuir, j'ai pas pu. Donc, je suis arrêté. Et moi, je disais que je suis en Christ. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Et quand je suis en Christ, les trois chiens-là, ils ralentissaient. Puis, ils devenaient petits. Ils devenaient petits. Et jusqu'à arrêter, me dit, je suis en Christ. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Et quand je vois, ils sont devant moi, les tiens, ils ont la taille normale d'être. Le deuxième, c'était comme une vague. Et dans la désespérance des hommes. Est-ce que moi, et puis les gens, je sais peut-être. Et nous, on était à où? Je ne l'ai jamais vu. On était hors du groupe. On était hors. Ceux qui parlaient, ils étaient assis sur une chaise. Mais nous, on était derrière. Et après, elle me parlait, mais je n'écoutais pas. Parce qu'elle levait ma tête, et puis cette vague-là, mais et dans la vague, il y avait une. Elle a poussé un cri, et puis elle a dit, comment faire? J'ai dit, et il m'a pris, il m'a mis à côté. Et la vague. Alors, vraiment, le monsieur qui parlait, bien qu'il y a eu. Mais c'était du feu, quoi, cette vague. Mais c'est ce que m'a mis dedans. Je me suis réveillé. On rentrait beaucoup, on rentrait beaucoup. Et parce que quand on rentrait dans le téléphone, après, ils ont vu tous, on était dedans comme ça. À ma gueule, surtout, il y a le monsieur qui a fui, tout le monde a fui. Moi, je crois qu'il est venu, tout le monde a fui. Et moi, j'étais là. Et là, moi, je dis, mon Dieu que je sais là, tu n'es plus, mon Dieu que je... Et il s'est arrêté, il a fait une route, puis il est parti. Donc... Et il est allé. Hein? Oui, vas-y, ma soeur, vas-y. Toi, tu ne coupes plus sa musique, tu n'achètes plus ses CD. Oui, oui, oui, vas-y, ma soeur. Quand il est allé dans, il n'est pas dans une maison, il est entré, il est revenu. Et donc, c'est toi qui dis aux gens, ne fais pas ça, faites ça, ça c'est bon, ça c'est bon. Et puis, quand il est revenu, il y avait une femme, une jeune femme qui était assise à ma gauche. Moi, je ne l'ai pas vue, mais elle était enceinte. Et puis, il est venu, il a touché son ventre. Et quand il a touché son ventre, quand j'ai regardé la femme là, elle n'avait plus rien devant elle. La grossesse avait disparu. Oui, ça a disparu. Mm. Donc, j'ai dit Christ, comment on appelle, Jésus. Mm. Donc, je voulais savoir la différence entre la même personne, mais je veux savoir la différence vraiment. Mais qu'est-ce que tu faisais dire que je sais Christ? Pourquoi tu n'as pas dit je sais Jésus-Christ? Au nom de mon Dieu que je sais, tu ne peux rien me faire. Mm. Et puis, il a arrêté. Mm. Il s'est arrêté. Donc, on va causer, hein? N'est-ce pas? Mais besoin de prière. Hein? Pour qu'on puisse prier, là, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de toi qui doit te soutenir. D'accord, ma soeur? D'accord. Mm-hmm. On se voit après. Ça, c'est en off maintenant. D'accord? D'accord. Il y a encore quelqu'un qui tu veux ici. Où est la femme de H? Elle est où là? Je la vois plus. La femme de frère H. Ma soeur, oui, elle est là, mais tu vois. Il y a là chez elle. Si tu m'as qui sont des babas, tu as besoin de prières. C'est Dieu qui demande. Toi, tu ne peux pas imposer les mains là-bas. Ils vont fermer le micro. Il faut où est la soeur. La soeur Flora. Maintenant, on ne te voit pas. Il n'y a personne. Tu viens. Allô. Oui, oui, on te suit. On est prêt pour la prière pour toi, d'accord? Que Dieu te fortifie, d'accord? Amen. Tu es stable, tu es fixe là. Tu es assise, n'est-ce pas? Oui. Mm-hmm. Mets ta main donc au niveau de ton ventre. Tu restes seulement tranquille, d'accord? Jusqu'à ce que cette voix-là retentisse, d'accord? Quitte son ventre. Quitte donc son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre, quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. La soeur Marie-France, ferme ton micro. Quitte son ventre, quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Maintenant, quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Tu te fâches avec lui. Tu commandes de quitter son ventre. Quitte ton ventre. Écoute bien cette fois. Quitte son ventre. Tu ne vas plus loger dans son ventre. Allez, allez, allez. Allez. Son ventre n'est pas ton habitation. Lâche-la maintenant, lâche-la, lâche-la. Tu ne touches plus sa ceinture, tu ne touches plus ses reins. Tu ne touches plus ses trompes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dois plus l'utiliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Lâche, lâche, lâche son nombril. Lâche, lâche son nombril. Lâche son nombril. Lâche. Tu entends cette voix. Tu entends cette voix. Je te commande de la lâcher. Allez. Tu as entendu. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu ne te promèneras plus dans son ventre. Allez, allez, allez, c'est parti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, allez, allez, lâche-la, lâche-la, lâche-la. C'est parti. Sors maintenant. Sors maintenant, sors maintenant. J'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de la quitter. Voilà. Lâche-la. Lâche-la, lâche-la. Lâche-la, lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as plus le droit d'habiter son ventre. Tu ne suceras plus son sang. Tu ne suceras plus son sang. Tu es le mer. Tu dois rester dans la mer, pas dans son ventre. Tu es le serpent de mer. Tu es le serpent des mers. Tu quittes son ventre. Lâche-la maintenant. Tu es le serpent des mers. Tu es le serpent des mers. Tu quittes son ventre. Le Léviathan se promène dans la mer, pas dans le ventre. Et encore moins le ventre des enfants du Seigneur. Je t'ordonne de la lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, cette voix. Au nom de Jésus, tu ne peux rien. Tu ne les. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Tu ne les tangles pas. Tu ne les tangles pas. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus, tu vas sortir. Sors, sors, sors. C'est parti. C'est parti. Terminé. Terminé. Terminé. Allez. Lève-toi, ma soeur, lève-toi, ma soeur, tu es libre. Merci, Père. Lève-toi, tu es libre. Terminé. Tu es libre, bro. Tu es libre. Oui, tu rentres, oui, tu es libre. Tu es libre. Là, c'est la femme qui fait la chute. Ta pointe n'est pas comme ça. Pense à regarder que ne va pas faire. Ça ne passe pas comme ça. Lève-toi, ma soeur, lève-toi, ma soeur. Il y a encore qui ici qui a des problèmes. Encore qui ici. Bon, les hommes, s'il faut qu'on puisse casser, ils peuvent casser le micro là-bas. Qui est encore là? Oh, la soeur. La soeur Kelly, tu m'entends? Oui, je t'entends. Comment vont avec les songes? Qu'est-ce qui ne va pas? Avec les songes? On ne te voit même pas. Ton micro, ne fait, ta caméra ne fait que tourner. Le temps que nous te relever et prendre un peu d'eau pour se rafraîchir. Comment tu vas, la soeur Kelly? Comment tu dors depuis? Ça va? Vraiment, hein? Ça n'est même pas grave, ça sont les oppressions. Ça va bien, ma soeur? Oui. Vraiment, hein? La soeur Flora, prends un peu de verre dont tu bois pour prendre l'air. Cette chose voulait t'étrangler, la soeur Flora. Courage, d'accord? Courage. Oui. Courage. Ça fait 8 semaines, je m'étouffe quand je parle. Oui. Maintenant, on va prendre de l'eau. D'accord? Je crois qu'on ferait mes arrêtés aujourd'hui comme ça. Ça c'est trop grave. La soeur Anne, je te prends tout à l'heure. Et après toi, je vais prendre la soeur. Madame, ne t'inquiète pas. N'aie pas peur, d'accord? Ça va aller. Donc, la soeur Kelly, c'est l'oppression. Ça, c'est l'oppression qui vient dans les songes. Donc, fais attention. D'accord. Ça, c'est l'oppression. Ok. D'accord, c'est vrai que ces derniers temps, je sentais une lourdeur en fait, hein, sur mon corps, tout ça, et j'en avais marre de tout. Enfin, quelque chose m'a failli. J'avais marre de tout. Oui, mais tu as dit que tout va bien, non? Que tout allait bien, comme tout va bien. Mieux. Dans les songes, oui, mais c'est mon état, comment je me sentais comme si j'avais trop de problèmes qui venaient en même temps. Et puis, je me disais, j'ai arrêté mon travail, je n'arrive pas à assurer le travail, ça devenait trop de choses. Donc, c'est dans l'esprit, c'est dans les songes que ça se passe, que cette opération s'est passée. Ça, c'est la répercussion que tu as donné d'expliquer là maintenant. D'accord, ma soeur. Ah, ok. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Bon, nous parlons de l'enlèvement, aujourd'hui. La France dans la sainteté, bon dimanche et à dimanche, n'est-ce pas? Amen, merci. Qu'est-ce qu'on dit? Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Pas parti, frère. Comment? On n'est pas parti. Vous ne voulez pas partir? Pourtant, il faut que je travaille avec la Côte d'Ivoire. L'univers est dans tes mains. Comment ma soeur? C'est Kelly, tu me parlais. Oui, je disais, bon, avec tout ça là, est-ce que je peux avoir une prière en fait? Oui, oui, on va prier pour toi après. D'accord. Oui. La soeur Paul. Oui, frère Junior, je. Toute la semaine, j'ai suivi les enseignements sur les réalités. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que quand je suivais les enseignements, je ressentais comme si on me donnait des poids et comme s'il y avait un poids qui se posait sur ma poitrine, dont une pression dont j'étais terrifiée pendant au moins 3 jours. Mmh. Et quand je tenais mon téléphone, je tremblais. Mmh. Donc je ne sais pas c'est quoi cette sensation-là. Ça ne se dépose pas sur ton poids. C'est la révélation de ce qui est toujours à l'intérieur par rapport à ce temps. D'accord, ma soeur? De toute façon, le poids n'a même pas pu te tuer. Ça t'a laissé jusqu'à cette dimanche, donc ça ne peut rien te faire, d'accord? Nous avons la victoire. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bon dimanche. Amen. Bon dimanche à Philippe Dion. Bon dimanche. Oui. Frère Junior. Oui, le frère Mamadou. Je peux te voir après Anne et la soeur Kelly, d'accord? Après Anne, d'accord, qui... D'accord, ça marche. Anne, c'est... Les femmes d'abord, n'est-ce pas? Tu es une gentleman. D'accord. Anne, d'accord. Ce okay, qui ça marche. Et puis maintenant, la soeur de Madame Achille. D'accord, mon frère? D'accord, mon frère. Je reçois ça. 06 33 75 34 25. 06 33 75 34 25. Tu veux, je t'envoie ça par message. Ça, ça, si tu veux. 73 64 06 33 73 34 25. Tu es Dieu, tu remplis les cieux.